Bonjour et bienvenue dans cette quatrième édition de 7ème fréquence. Aujourd'hui, on va parler de cinéma. Et d'ailleurs, le programme il a un petit peu changé contrairement à d'habitude, puisqu'on a ajouté une nouvelle rubrique et le jeu du choix a changé. Il est un petit peu plus intéressant. Mais avant ça, j'ai la chance d'être accompagné de Joss. Salut. De Romu. Salut. Et de Jérém. Salut, salut. Bon, vous êtes chaud pour parler de cinéma, messieurs? Totalement. Toujours. Toujours. Yes. Alors, du coup, on va commencer par News Cinéma. C'est une news d'ailleurs qui a été postée par Joss sur les réseaux sociaux, si vous suivez 7ème fréquence, c'est le casting de The Batman, et on va parler du commissaire Gordon incarné par Jeffrey Wright. Est-ce que vous voyez qui c'est l'acteur? Bien sûr. Moi, j'ai pas d'image, là. Je vois pas, je me rappelle plus. C'est qui? C'est un black, non? Ouais, c'est un black, en effet, en effet. Du coup, Joss, toi, vu que je sais que t'es pas mal impliqué The Batman, bon, je te dirai pas pourquoi, je pense que les gens sont au courant maintenant. Est-ce que t'es content ou pas de ce choix? Honnêtement, oui, pourquoi pas. Il y en a beaucoup bon, sur les réseaux sociaux qui râlent par rapport à la couleur de peau du commissaire Gordon et tout ça. Bon, honnêtement, moi, ça me dérange pas. Je trouve que c'est un bon acteur, il a quand même du charisme. Puis après, le commissaire Gordon, c'est quand même un personnage important de Batman, mais ce n'est pas non plus, voilà, c'est pas Batman, c'est pas le Joker. Donc, bon, peu importe, tant qu'il a du charisme et qu'il fait bien le job, voilà, moi, je pense que c'est un bon choix et pourquoi pas. Du coup, avec le casting qui vient s'étoffer de semaine en semaine, notamment avec Catwoman, je crois, il y a un peu plus d'une semaine, comment toi, tu commences à pressentir le film? Alors moi, déjà, j'avais assez confiance au film parce que j'aime bien Matt Reeves. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait sur La planète des singes. Donc, j'étais assez content que ce soit lui. Le choix de Robert Pattinson, j'avais beaucoup aimé parce que je trouve qu'il y avait un vrai choix de cinéma, quoi. Il tentait quelque chose. Après, au niveau du casting, du coup, je suis assez content pour tout le monde. Il n'y a que Zoe Kravitz que j'ai un petit doute ou je suis assez un petit peu réticent, mais... Voilà, moi je juge que le moment au moment du film, donc peut-être qu'elle va me surprendre et je demande que ça. Ok, c'est un film que tu attends tout particulièrement, non? Ah ouais, carrément, ouais. Je t'avoue, je suis aussi très hype pour Robert Pattinson en Batman. Jérém, toi tu l'attends le film? Moi j'attends énormément, et là je viens de voir en plus c'est qui Jeffrey, donc c'est le mec de Yad en Westworld, que je dis pas de bêtises. Ouais. Franchement, c'est un bon choix. Je vois pas pourquoi on saoulerait qu'il soit noir et tout. Il peut très très bien jouer, et pourquoi pas, ça pourrait changer un petit peu. Mais Pattinson, je suis extrêmement content qu'il joue Batman. Je pense que c'était un choix très pratique et très utile. Je pense qu'il fera totalement le job. Et ouais, c'est un fichier sombre et qu'il nous le promette, un peu comme Joker, ça peut être assez énorme. Ok. Alors, moi, il y a un truc, une question vraiment qui me vient en tête. Pattinson, il a une carrière excellente, je trouve, pour les cinéphiles notamment. Il y a 2-3 haters qui vraiment le détestent, mais bon, ça doit être physique, je suppose. Mais pourtant, tout le monde a l'air d'apprécier au global le fait que Pattinson ait été casté. Moi, le premier, d'ailleurs, puisque je le trouve excellent. Comment Romu, t'expliques ça, toi? Romu, regarde notre question. Non, je te demandais comment tu pouvais expliquer que la réception de Robert Pattinson en Batman était aussi bonne. Est-ce que tu as une idée de pourquoi les gens sont aussi contents ou pas? Je pense que tu as tout dit, en fait. Il a une certaine carrière. Donc après Twilight, il a fait pas mal de choses. Ouais. C'est pour ça qu'il a été bien reçu, à mon avis. Ouais, mais le truc, c'est que... Joss, je crois que ça doit être toi qui as vu le plus de films de lui. Le truc, c'est que si on n'est pas cinéphile, je pense pas qu'on connaisse la carrière de Pattinson après Twilight. Non, ouais, c'est le problème, ouais. C'est un peu le problème, et je pense que les gens ils sont restés sur Twilight, tu vois. Parce qu'il ne fait pas des films qui font des millions d'entrées, c'est quand même beaucoup de films d'auteur qu'il a fait et qu'il continue de faire. Et pas de gros blockbusters, et voilà, je pense que les gens ils sont restés un peu cantonnés à Twilight. Et là, bah, pour le coup, entre le prochain Nolan et Batman, les gens vont certainement le découvrir plus en profondeur. Bah, ça ferait plaisir. Moi, je pense justement que les gens, ils ont changé d'avis, on va dire, sur un peu Robert Pattinson, parce que je pense que ça fait longtemps, Twilight aussi, tout simplement. Ça fait très longtemps, donc voilà, les gens, ils ont perdu l'image de Twilight. Ils redécouvrent un nouvel acteur, un peu pour eux, voilà, parce qu'il a changé quand même depuis Twilight, donc je dis pourquoi pas, les gens, ils se disent, on peut laisser une chance. Ouais, bah, je suis d'accord avec toi. C'est étonnant d'ailleurs de voir le revirement de carrière de Robert Pattinson et de Kristen Stewart après Twilight, parce que les deux jouent dans des trucs très très indés. Kristen Stewart est aussi très très très très bonne en tant qu'actrice. C'est voilà, moi je suis plutôt content que. On va jouer dans un blockbuster quand même. Kristen Stewart bientôt. Avec Vincent Cassel. Non, je pensais non, pas Charlie à ça. Angel. Ouais, Charlie's Angel. Ouais. Voilà. Ouais, alors ça a l'air d'être sacrément de la merde malheureusement. Ouais. Je sais pas ce qu'elle fait là, mais elle a beaucoup de très, enfin des rôles très. On va dire moyens, enfin de bons rôles, mais des rôles moyens en termes d'échelle, dans beaucoup de bons films. Elle a joué avec Ang Lee, elle a joué avec Woody Allen, enfin globalement, c'est, je trouve, quelqu'un qui a su bien rebondir sur ses pattes. Dans quel film Je sais, d'Anglie, dans Un jour dans la vie de Billy Lynn. Ah, d'accord, je sais pas. Okay. Pas dans Jimmy Newman, non. Mais donc voilà. Bah, en tout cas, voilà, c'est, je pense que ça doit être intéressant à souligner pour eux, le fait qu'ils aient réussi à se faire un nom après ça. Et voilà, moi je suis content en tout cas pour eux deux, quoi. Je suis pas très fan, moi, d'elle, bizarrement. Tu l'as vu dans quoi récemment? J'ai pas vu récemment, mais je sais que je l'ai vu dans quelques films. Je suis pas un très très grand fan d'elle. Après, j'ai rien contre elle. Quel film tu l'as vu? Je m'en rappelle plus, gros. J'ai pas les noms là de titres des films, et je l'ai vu dans, je sais pas, 2-3 films, je dirais. Ok, ouais. Non, mais après, c'est vrai qu'elle a un jeu particulier. Hein. C'est pas étonnant que ce soit les avis soient pas tranchés. Donc voilà. Y a pas de. Toi bien, quoi. deuxième news cinéma, messieurs, Astérix, Guillaume Canet réalisera le 5e film. Romu, j'aimerais bien que tu réagisses en premier cette fois. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, je connais pas la carrière de Guillaume Canet en tant que réalisateur. Tu vois pas du tout ce qu'il a fait? Je sais ce qu'il a fait, mais j'ai vu aucun de ses films. Les petits mouchoirs et tout, t'as pas vu? Non, j'ai pas vu Les petits mouchoirs et la suite qui est sortie cette année, je crois. Et ne le dis à personne, tu l'as pas vu? Non, oh, il est fou. Oh, excellent. Il est fou, ce film. Ah ouais. Ouais. Un bon excellent. Film français, ouais. Là, je vais me faire bâcher, je pense. J'ai vu aucun film réalisé par Guillaume Canet. C'est pas lui qui a réalisé Japlou? C'est lui qui l'a réalisé? Japlou, je sais pas, plus. Je me pose la question, je me rappelle plus. Ah, moi, je sais pas. Bah, je sais pas non plus, en fait. Je connais pas sa carrière de réalisateur. Je connais que sa carrière d'acteur. Et moi, personnellement, je suis pas contre le projet. Apparemment, ça devrait se dérouler en Chine, je crois. Parce que le titre, c'est L'Empire du Milieu. Donc, à mon avis, ça va se dérouler en Chine ou dans un pays... Au Japon, plutôt, non? Au Japon, ouais, autant pour moi. Et ouais, je suis partant, mais bon. Il y a quand même les scénaristes de la trilogie Les Tuches derrière. Donc, ouais, alors ça fait un peu flipper. Est-ce que Joss et Jérém, il y en a un de vous qui est fan d'Astérix ou qui attend le film? Moi, je suis très fan d'Astérix, personnellement. Je t'ai coupé, toi, Joss, désolé. Ouais. Pour Japlou, c'était Christian Duguay, du coup, qui a réalisé. Et du coup, pour revenir à Astérix, bah, écoutez, moi, je suis assez fan d'Astérix. Le problème, c'est que je trouve qu'ils ont réussi que le 1 et le Mission Cléopâtre, qui est juste incroyable et qui a pas vieilli. Je trouve qu'il a pas pris une ride, ce film. Ça reste un très grand. Oui. Mais le dernier, t'as pas aimé? Allez, tu parles des dessins animés? Non, ça, c'est encore différent. Non, vraiment, je te parle du dernier film qui est sorti au cinéma, Le Secret de la Potion Magique, par Astier. Oui, mais ça, c'est de l'animation. Ah oui, on parle de film live, autant pour moi. Oui, voilà. Excuse-moi. Mais bon, en animation, concrètement, ils en ont pas raté. Je n'ai pas vu le dernier, par contre, Potion Magique, c'est le seul que j'ai pas vu. Mais oui, ils n'en ont raté aucun en dessin animé. Et j'ai juste qu'en film, pour moi, ils ont réussi que le 1 et le 2, qui est juste incroyable. Voilà. Après, le 3 et 4, gros, pff, bah, c'est quoi, mal au cœur, quoi. Le... Parce qu'il n'y a pas de numéro, je crois. Ouais, c'est le premier sorti, là. C'est contre César, c'est le premier qui est sorti. Ouais, voilà, avec contre Roberto César. Bellini. Voilà, après, t'as eu Mission Cléopâtre, après, t'as eu Jeux Olympiques, et après, je crois que ouais. C'était... En Angleterre, avec la reine. Voilà, truc de la majesté, voilà. Ouais, c'est ça, exactement. Qui était vraiment pas ouf, les deux derniers. Mais celui-là, ouais, je sais pas, c'est vrai que j'ai du mal. Après, Clavier et Depardieu ensemble, c'est dur, quand même. C'est très dur. Ça peut être très bien. Ouais. En fait, c'est ça, c'est à double tranchant. Soit c'est fou, parce qu'après, Guillaume Canet, quand même, il a des moyens pour faire un bon film, ou soit c'est nul à chier. Ouais, je vois. Bon, ça dépendra de beaucoup de choses alors, je suppose. Ben moi, pour le coup, j'ai un petit truc à dire sur cette mascarade. Parce que là, franchement, le projet ne me hype pas du tout. J'aime pas juger, tu vois, les projets avant qu'ils sortent. On n'a même pas vu une bande-annonce, on a rien. On a vu juste une photo. Mais si tu regardes la photo... C'est ce que j'ai vu de plus dégueulasse depuis très longtemps. Parce que Lelouch en Obélix, ils lui ont mis un bide énorme. Il a des bras d'anorexique. Enfin, je veux dire, là, les gars, il y a un énorme problème. Mais, c'est une photo officielle? Eh bien sûr. C'est vrai, moi aussi, j'ai commencé à parler allemand. C'est laid, hein. J'avoue que c'est pas ça. Ah ouais, non, c'est une photo officielle. Je peux te couper deux secondes? Ouais, vas-y. Ils vont tourner au printemps, donc il va peut-être prendre du poids entre-temps, je sais pas. Ah ben, il vaudrait mieux qu'il prenne au moins 40 kilos, ouais. Ouais, pendant les fêtes, il va se gaver de chocolat. Ouais, vous ferez mieux, ouais. Et puis, après le projet, alors en plus, avec les scénaristes des Tuches et tout, donc on sait déjà clairement que ça risque d'être un peu daubé. Et en plus, ce qui me gêne un peu, c'est que, bon, Guillaume Canet et Lelouch, on sait que c'est des meilleurs potes. Et j'ai peur que ça fasse un peu un projet, tu vois, d'ego, ouais, on est potes, le cinéma français, il y a tout le monde qui nous kiffe parce qu'ils sont quand même très aimés dans le milieu du cinéma français. Et j'ai peur que ça fasse une grosse merde d'égocentricité et tout ça. Donc du coup, ça me branche alors pas du tout. Et surtout, après, comme il a dit Jay, les deux derniers films live, c'était de la merde. Donc franchement, j'ai très peur. Je préfère que ça soit Ari Aster qui continue à faire ses trucs plutôt que ça. Ouais, bon, bah écoute... pourquoi pas? Maintenant, la carrière de Guillaume Canet est quand même réussi à prouver un bon réalisateur, donc pourquoi pas? On va attendre que ça sorte et puis on verra quoi. Mais pour moi, justement, il n'a pas un style à la Alain Chabat qui s'apprêtait très bien justement à du Astérix ou du Alexandre Astier qui s'apprêtait très bien à du Astérix. Et je trouve que Guillaume Canet, je sais pas trop s'il va rentrer dans le délire Astérix. C'est quand même une ambiance particulière quand même. Après c'est le scénariste ou les scénaristes, je sais pas, de la trilogie Tuche, donc ouais, les scénaristes, vu ce qu'ils font comme chinoiserie, vaut mieux s'attendre à un petit peu tout quoi. Ah ouais, mais gros les Tuche, gros ça me fait mal au cœur. Ah ouais, non mais ça fait mal au cœur à tout le monde, t'inquiète, donc je propose qu'on arrête tout de suite d'en parler. Ouais. Si ça va à tout le monde, on va passer à la troisième news, le reboot de Pirates des Caraïbes écrit par le créateur de Tchernobyl. Alors moi c'est quelque chose qui me fait très peur. On a beaucoup entendu parler d'une femme dans le rôle de Jack Sparrow. Bon, déjà, c'est relativement... on va dire que c'est relativement couillu comme choix. Maintenant, le créateur de Tchernobyl, il a quand même pas fait de la merde. C'est quand même HBO qui avait fait Tchernobyl. Et ils n'emploient pas n'importe qui de manière générale. Qu'est-ce que... Par exemple, toi, Jérôme, t'as vu Tchernobyl ? J'ai vu Tchernobyl, je crois, les 2-3 premiers épisodes. C'était assez lourd. Je sais pas pourquoi j'ai pas continué. Faut que je repoursuive. Mais moi, je trouve que c'est une très mauvaise idée de faire un remake de Pirates des Caraïbes sans Johnny Depp. Enfin... Pour moi, Johnny Depp, c'est Jack Sparrow, et je vois pas qui d'autre va pouvoir jouer ce rôle-là. Donc, ça me hype pas. Après, la chose étant que il s'agit pas d'un remake, mais d'un reboot, ce qui fait que, en fait, quand tu reboots, à la base, Pirates des Caraïbes, c'est une adaptation d'un... Comment appelle-t-on ça ? D'un parc d'une attraction. D'une attraction de Disney. Donc, potentiellement, l'histoire n'aura peut-être plus rien à voir. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est comme quand ils vont faire qu'ils vont refaire les X-Men. Ça va être difficile de trouver un autre mec comme Hugh Jackman, tu vois. Ça va être hyper chaud, concrètement. Parce que Hugh Jackman, concrètement, c'est Wolverine pour nous. C'est comme pour Jack Sparrow, c'est Johnny Depp, tu vois ce que je veux dire. On va avoir du mal. Ça, mais bon, le Joker, c'était Heath Ledger, et puis au final, non, tu vois. Je trouve ça différent. Parce que je veux dire ou pas ? Bizarrement, je trouve ça différent. Parce que là, c'est encore un autre délire, je trouve. C'est pas pareil. Ouais. Étant donné qu'il y a eu énormément de remakes, de reboots et tout sur ça, ça choque moins. Tandis que là, ça sera la première fois. Pour Pirates des Caraïbes, oui. Ouais. Mais. Ouais, non, pour le coup, je suis pas d'accord avec toi. Je disais que Tom Hardy, pour moi, c'est un acteur qui pourrait très bien l'incarner parce que physiquement, il a ce côté un petit peu bestial. Il suffit de regarder Warrior pour le voir, par exemple. Et puis, il a la gueule de l'emploi. Donc, tu vois, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait le faire. Donc, pour moi, c'est compliqué de dire que. Hugh Jackman est intouchable à ce niveau-là, tu vois. Ouais, alors, je peux dire un petit truc. Là, tu viens de me hyper limite. Tom Hardy en Wolverine, putain, ça claquerait grave. Bah écoute, je suis d'accord avec toi. Après tout, je pense qu'on contacte directement Disney. Ah ouais, faut qu'ils nous écoutent, quoi. Faut qu'ils nous écoutent, là, putain. Ah ouais, mais bon. C'est peut-être un bon choix. Ça peut être potentiellement un bon choix. Oui. Ah ouais. Donc voilà. Mais bah, écoutez, ça m'est venu comme ça, donc j'espère que ça vous fait plaisir. Ah ouais, bon, j'apprécie la suggestion perso. Et toi, du coup, Romu, pour Pirates des Caraïbes, le reboot, qu'est-ce que tu t'en dis ? Moi, je vous rejoins un peu tous, en fait. Moi, je préfère, j'allais dire Jack Sparrow, non, Johnny Depp dans le rôle. Je sais que ce sera différent puisque ce sera un reboot, mais pour moi, ce sera toujours attaché. Johnny Depp sera toujours attaché au projet. Enfin. À cette franchise, et ce sera difficile pour moi de voir quelqu'un d'autre. Après, pour le coup, pour Pirates des Caraïbes, c'est paradoxal parce que finalement, c'est pas une saga que je suis extrêmement fan, à part le 1 que j'aime beaucoup. Mais je trouve ça quand même. Je trouve que c'est quand même Johnny Depp qui porte le film quand même. Donc, c'est des petites comédies, aventures sympas quand même. Donc, je suis attaché quand même un peu à ces films, on va dire. C'est une saga qui a révélé. Mais Carnacle. T'es sûr que. Que Karen Knightley, justement, elle n'a pas fait d'autres films avant, justement, qu'on cartonnait. Bah, elle a dû en faire, tu vois, mais aucun qui avait la visibilité de Pirates des Caraïbes. Ouais, je pense qu'elle a décollé à ce moment. Ouais, mais Orlando Bloom aussi, je pense que c'est pareil. Peut-être, ouais, c'est fort probable, parce que c'est vrai que je ne me rappelle plus. Il n'y avait pas Seigneur des Anneaux. Ah ouais, c'est autant pour moi. Ouais, mais Orlando Bloom sans grandes oreilles, quoi. Ah ouais, gros. Ouais, sans chelon, bon, bref. On parlait d'Alexandre Astier tout à l'heure. Il n'y a pas quelqu'un qui a mentionné le nom de Harry Astier d'ailleurs, sans faire exprès. Si, si, je l'ai noté, j'allais te le dire après pour que tu coupes. J'ai dit Harry Astier comme un con. Je l'ai noté, je vais peut-être le dire après. On va parler d'Alexandre Astier, des news de Kaamelott, a priori premier volet d'une trilogie qui sortirait en octobre 2020. Alors là, je vais prendre position tout de suite. Je ne regarde pas Kaamelott et ça ne me donne pas du tout envie de regarder Kaamelott. Je pense passer à côté de quelque chose. Est-ce qu'ici, il y a des fans? Alors moi, si tu veux, je connais Kaamelott, mais pareil, bon, alors c'est, moi, c'est mon frère, il m'a saoulé un milliard de fois pour me dire « Matt, Kaamelott, c'est de mieux en mieux, et ça devient de plus en plus sérieux. » Alors, faut peut-être que j'essaye aussi, je suis un peu comme toi, Anto. Ok. Eh ben moi, pour dire, je suis un peu comme vous, c'est, je trouve que Alexandre Astier, c'est un mec vraiment qui a du talent, qui a un talent d'écriture assez fou, et Kaamelott, j'ai jamais réussi à... Je sais que je dois passer à côté de quelque chose. En plus, je sais que ça peut être un humour qui peut vraiment fonctionner sur moi. Mais je sais pas. Tu sais, quand ça passe à la télé sur W9, je tombe dessus, je regarde et ça me fait jamais rire. Alors pourtant, je sais que ça peut me faire rire, tu vois. Donc je sais pas. Je suis assez distant sur cette série parce que j'aimerais rentrer dedans et j'arrive jamais. Je pense qu'on tombe pas sur les épisodes qui nous... Peut-être. Qui pourraient véler du sourire en nous, tu vois. Donc, Non, mais il y a vraiment une fanbase importante, hein. Tu vois, sur Twitter, là, quand il a annoncé le tournage du film, c'était fou, quoi. Ils étaient tous en transe. Donc, je peux comprendre, hein, tu vois, parce que ça fait un peu un humour comme il pouvait faire. Alors, c'est pas le même humour, mais ça fait un peu comme les nuls à l'époque et tout ça, tu vois. Il y a un humour vraiment à lui. Et du coup, là, les jeux sont vraiment rattachés à cette série. Ils sont... moi, mon beau-père... Il est vraiment fan, tu vois, c'est un peu ce que disait Jay, mais il est mort de rire, il regarde les épisodes en boucle, et moi je suis là et j'arrive pas, quoi. Je vois que ça peut être drôle, mais j'arrive pas. Ouais, bah ça s'avoue, c'est un univers qui peut laisser un petit peu en dehors. Est-ce que, Romu, toi tu connais ou pas du tout? Ouais, je connais, j'ai vu quelques épisodes sur M6 à l'époque, et moi ça me donne grave envie parce que l'humour des frères Astier, c'est un humour qui me parle. Je sais pas si vous connaissez son frère, Simon Astier. Mais il a vécu dans Kaamelott, non? Il a avec lui, il a réalisé une série de super-héros françaises. Qui s'appelle HeroCorp. Ah, HeroCorp, oui, méga connu, HeroCorp. Ils sont venus dans un film aussi, je crois. Ouais. Non, pas du tout. Non, ah ouais. Pas du tout, juste une série, il a terminé sa série, il a fait une BD, ça s'arrêtait là. Ok, d'accord, très bien. Bon, bah écoutez, on n'est pas de grands fans de Kaamelott, ma foi. Donc passons à une news, par contre là, je pense qu'il va tous nous ravir, parce que c'était clairement une dinguerie. New Generation 2, 8 avril 2022. Jérém, t'as vu le film très très récemment, toi. Je sais que t'as kiffé. T'attends la suite, je suppose. Bah du coup, je savais qu'il y avait une suite parce que je me suis renseigné tout de suite, en fait, dès que j'ai fini le film. Donc, du coup, j'étais au courant que ça allait sortir. Je suis hyper, hyper hype, comme jamais. J'ai trouvé que c'était le meilleur Spider-Man jamais sorti. Pourtant, j'aime bien les anciens Spider-Man. Bah alors, celui-là, il était dingue. Je trouve qu'il prenait énormément de risques. Tu le mets au-dessus de la trilogie de Sam Raimi? Bah, je trouve que celle de Sam Raimi, faut arrêter, hein. À l'époque, tout le monde le crachait dessus. Maintenant, tout le monde dit « Waouh, c'est le meilleur des Spider-Man ». Sam Raimi, à part le 2, franchement, de Sam Raimi qui est ouf, le 1, il est pas non plus incroyable, et le 3, c'est pas non plus la grosse claque du monde. Hein. Donc, je trouve que les The Amazing Spider-Man sont largement au-dessus. Carrément, parce que j'avais trouvé le premier juste génial. J'étais allé pas reculons, mais j'étais allé le voir sans spécialement envie, et je suis ressorti de là, et j'avais pris une bonne claque dans la gueule. J'ai trouvé ça vraiment magnifique, j'ai trouvé ça super malin, le scénario, l'histoire, tous les personnages, et franchement, du coup, ouais, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir le suivant. Pourtant, il a mis du temps à démarrer, je trouve, le premier, quand même, il a mis un petit temps. Et une fois que tu rentres dedans, que tu comprends le concept et le délire... C'est vrai que ça passe tout seul après, comme une lettre à la poste. Hein. Bah pour le coup, je trouve que le style graphique est prenant dès le début, en fait. C'est pas trop ce qui va se passer, c'est pas trop où ils peuvent aller et ce qu'ils peuvent faire avec leurs ambitions et leurs intentions, d'ailleurs. Donc je trouve que dès le début, en fait, vraiment, ça... Enfin, la recette, elle marche direct, quoi. Mais y a pas je trouve que c'est déroutant dès le début, en fait. Pardon, Jérém ? Oui. Qu'est-ce que tu as dit ? Ah oui, non, je disais que je trouve qu'au début, en fait, c'est déroutant, c'est juste ça, en fait. C'est pas comme les films. On n'a pas l'habitude, quoi. Ça fait vraiment comics, quoi. Voilà, exactement. Enfin, moi, je connais un peu les comics, voilà, mais ça m'a perturbé, parce que dans les films, c'est vrai qu'ils n'établissent pas ce principe-là, tout simplement. Ouais. Bah, écoutez, on a tout dit, je pense, dessus. En tout cas, hâte de le voir. Bon, il nous reste deux ans et demi à attendre. Donc bon, ça va être compliqué. Par contre, on va passer à la section trailer. Et on va commencer par celle de The Mandalorian, la deuxième bande-annonce sortie il y a 4 jours maintenant. Est-ce qu'il y a des fans de Star Wars? Bah, ouais. Moi, je kiffe. Hein. Bah, allez-y, messieurs. Ah, bah, écoute, moi, Mandalorian, moi, je l'attendais pas l'époque quand ça avait été teasé, on va dire. Quand il parlait de ça, je me suis dit, oh, le chasseur de primes encore, comment ça casse les couilles. Je me suis dit, putain, il est pénible, lui. Je veux dire, tout le monde le kiffe, il a rien fait dans Star Wars. Mais j'avoue, en voyant les bandes annonces, là, bon, j'avoue, ça a l'air d'être bresson de ouf. Je sais pas, il a l'air d'être classe. Par contre, les effets spéciaux, c'est un truc de malade. Pour une série, je trouve ça choquant. On dirait un film. Donc, c'est vraiment. Ah ouais, mais là, c'est vraiment quelque chose que j'attends énormément. Attention, quoi. Alors que, on est d'accord, comme on l'avait dit dans les précédentes émissions, Star Wars 7 et 8, ça m'a fait assez mal au cœur, voilà. Mais Star Wars, c'est quand même une saga que j'aime énormément. Voilà, parce que pour tout ce que ça a offert, on va dire, au cinéma, c'est quand même quelque chose de très important dans le cinéma. Mais du coup, Mandalorian, voilà, je valide totalement. Eh ben moi, je valide aussi. Alors, j'étais assez méfiant au départ parce que Disney commence, je vous le dis clairement, Disney commence à me péter un peu les couilles, pour rester poli. Et du coup, j'en avais un peu marre. Je trouvais qu'il fracassait, il commence à détruire. Il commence déjà à détruire Marvel. Je trouvais qu'il commence à détruire aussi Star Wars. Mais il faut dire qu'ils savent quand même y faire. Voilà, il y a quand même des choses qui fonctionnent chez eux. Et quand tu regardes la bande-annonce, comme il a dit Jay, t'as l'impression de voir un film à gros budget, quoi. C'est assez magnifique, c'est assez incroyable. Tu retrouves des plans typiques de l'univers Star Wars. Ça titille forcément ta curiosité. Alors en plus, ils utilisent un personnage iconique. Mais comme a dit Jay, au final, Boba Fett, en fait, on ne sait même pas qui c'est, mais il est devenu iconique parce que les geeks, les fans, ils se sont amusés à faire des cosplays parce que c'est vrai qu'il a un costume un peu assez joli, quoi, à voir. Et du coup, c'est assez malin d'avoir pris ce personnage et d'en faire vraiment une série sur ce personnage que tout le monde adore mais que personne ne connaît. Bah, me semble-t-il, la communauté des Mandaloriens est une grosse communauté de Star Wars dans tout ce qui est les arcs canons proposés un peu dans la littérature, dans les films, dans les séries. Ouais, ouais. T'es sûr, c'est dans les arcs canons, gros, parce que Disney, depuis qu'ils ont racheté Star Wars, hein, ils ont mis tout en non-canon et après ils ont créé leurs comics à eux. Hein. Ouais, mais comme c'était canon avant, tu vois, c'est canon maintenant, hein, ils vont taper sur le système. D'autant, mais c'est pas comme s'ils avaient créé leur univers, tu vois, ils ont quand même repris au cœur, donc au final, ils font un truc canon avec les anciennes trilogies. Donc, si le reste était canon avec les anciennes trilogies, tu vois, pour moi, après, ils auront beau dire que non, si ça a été créé et pensé comme ça par tout le monde à l'époque. Pour moi, ça reste le cas toujours aujourd'hui. Bon, écoutez, passons à une bande-annonce pour le coup qui, à mon avis, un film qui je pense qu'il va marcher au box-office, mais franchement, nous trois, je pense qu'on s'en fiche. Nous quatre, pardon. Jumanji Next Level. Oh putain. Ouais, bah, j'avais trouvé ça épouvantable, le premier déjà, mais épouvantable. Et là, je trouve qu'ils ont l'air, en fait, d'avoir réussi à faire encore plus épouvantable. C'est vraiment, putain. Je pense que c'est assumé, moi. Franchement, je ne sais plus au bout d'un moment, parce que c'est facile de faire des films de merde et de dire c'est assumé. Comment tu peux avoir envie de dire, tiens, je vais faire une petite merde, mais je l'assume. Non, franchement, c'est nul. Et il n'y a rien qui donne envie dans leur délire de Jumanji. Là. Je pense que ces 5 dernières années, à partir du moment où tu mets The Rock, donc tu sais que ça va être plus que moyen et tu joues du fait qu'il y ait The Rock. Oui, mais du coup, putain, franchement, moi, ça, c'est quelque chose qui commence un peu à me gonfler. Alors voilà, The Rock, par exemple. Alors que pourtant, j'aime bien le mec. Je pense qu'il a l'air vraiment cool. Tu vois, je le suis sur les réseaux et. Et je trouve que le mec est vraiment sympa, il a vraiment une énorme sympathie, et je sais qu'aux États-Unis il est très apprécié, mais ces films, putain, c'est de la merde. Alors ouais, on joue avec lui parce que voilà, il joue toujours un peu le même rôle, ça fait rire certains, mais franchement, putain, c'est vraiment nul, et je trouve que j'arrive pas à comprendre comment au bout d'un moment tu peux pas dire « Allez, stop, on essaie de faire quelque chose de sérieux », même pour lui, même pour lui en tant qu'acteur, il a pas envie d'y faire un bon film au bout d'un moment, ça le branche pas, il a pas de... Il l'a fait avec No Pain No Gain, maintenant. Je sais pas pourquoi il a pas réitéré l'exploit, quoi. Ouais, ah, voilà. Moi, je le trouvais pas si fou que ça, No Pain No Gain. Ah, il m'a saoulé, ce film. Ok, mais c'est bien de faire un film tous les 20 ans sérieux, mais au bout d'un moment, putain, fais quelque chose, au moins, tu sois fier. Après, je vais peut-être vous étonner, mais paradoxalement, bon, moi, je suis un très grand fan de l'ancien Jumanji, hein, parce que Robbie Williams, parce que c'est les années 90. De quoi? Tout le monde adore l'ancien Jumanji. Oui, moi j'aime énormément. Mais tu vois, le premier là, quand il est sorti, bon, je comprends pas pourquoi ils l'ont appelé Jumanji, honnêtement. Mais quand même, ça restait quand même très correct à regarder. Je passais un bon moment. Alors le 2, c'est pas que je l'attends, je le regarderai. Mais le 1, ça va, il m'a pas laissé non plus de marbre. Bah, c'est détente, quoi. C'est pas plus que ça, c'est pas moins que ça, c'est détente, c'est tout. Et puis il est sorti à la bonne période, je crois, le premier remake. Noël 2017. Ouais. Donc, oui. Ça se prêtait bien, ouais. Bien cette idée de coolitude, ouais. De famille. Complètement. Et je pense qu'on va passer au trailer le plus intriguant, au trailer le plus intéressant. Et bah écoutez, je vais donner la parole à Romu en premier parce qu'il m'a parlé du film il y a des mois et des mois. Je me rappelle, je sais pas si c'est que je m'en rappelle. Non, je savais pas. Je m'en rappelle très bien. Tu m'as parlé du film Comment je suis devenu un super-héros. T'as une grosse mémoire. Et ouais, écoute. Et bah du coup, on a eu le premier trailer enfin. Alors moi, je trouve c'est un peu bizarre qu'on ait le trailer un an avant la sortie du film. Ça fait quand même beaucoup. Ouais. Le film sort que dans un an. Hein. C'est quand même particulier. Maintenant, le trailer est très ambitieux. Bah Romu, à toi l'honneur. Bah moi je te rejoins sur le fait que le trailer est très ambitieux. On a un casting très intéressant puisqu'on retrouve Benoît Poulvorde, Leila Bekti, Pio Marmaille et un autre acteur dont j'ai oublié le nom, je suis désolé parce que c'est un acteur que j'aime bien. Au début de la bande-annonce on voit le logo de la Warner, donc c'est bien de voir un gros studio défendre ce genre de projet en France parce qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir ça. Après je me dis est-ce que ce sera pas ringard ? Parce que moi, j'ai eu l'impression de voir tout ça avec Marvel il y a quelques années. Etc. Je me dis, c'est un peu dépassé, mais il y a du potentiel. Le seul problème qu'il peut y avoir, c'est que le film sort en même temps que Camelot. Je ne sais pas si tu étais au courant. Bah pour le coup, oui. Ouais, en octobre 2020, les deux. 14 octobre, exactement. La même semaine. Bon, ils le décaleront, peut-être un des deux le décalera. Mais sinon ça ferait deux grosses sorties françaises et puis... Alors moi j'étais pas au courant en fait du projet, j'étais au courant la semaine dernière, ils en ont un peu parlé qu'il allait avoir le trailer qui allait sortir, du coup je l'ai regardé et moi perso alors je suis d'accord avec Romu, c'est bien qu'il y ait content des choses comme ça en France, d'ailleurs je vais en parler plus loin dans l'émission, c'est très bien, mais par contre le résultat sur la bande annonce, putain, t'as tout dit Romu, moi je trouve que c'est ringard quoi. Putain, je trouve que c'est pas forcément très joli, j'ai peur que ça fasse un petit peu too much, je trouve que même par moments ça avait l'air assez surjoué, tu vois Leila Bekti avec son regard, avec ses yeux bleus et tout, je trouve que ça le faisait pas trop. Ah, alors après là je juge la bande annonce, après par contre même si les bandes annonces ne me plaisent pas, j'irai le voir en salle juste pour soutenir l'idée. Tu vois, voilà, pour soutenir cette idée parce que je suis content qu'on tente des choses. Après, là, sur le trailer, je ne suis pas très emballé et ça ne me branche pas du tout. Ok, bah écoute, c'est dommage parce que bah écoute, je partage pas du tout ton avis. Par contre, toi, Jérôme, qu'est-ce que tu en penses ? Ben moi, écoute, je suis très hypé, moi, quand j'ai vu la bande-annonce. En tout cas, ça m'a énormément donné envie. Je trouve qu'en France, de tenter des trucs comme ça, c'est juste énorme. Et ça me choque pas qu'il y ait le trailer maintenant, dans le sens où il faut hyper les gens. C'est pas courant de voir ça en France. Donc, c'est bien de pouvoir les hyper un petit peu. Et comme ça, les gens, ils seront prêts. Et ils vont avoir des bandes-annonces et tout entre-temps. Ça prépare, ça prépare les Français, en fait, finalement, à voir un truc français comme ça. Et deuxièmement, je trouve que c'est pas kitsch, dans le sens où The Boy, ils sont aussi kitsch, les costumes. Et personne n'a dit, ouais, c'est kitsch et tout machin. Non, c'est pas dans les costumes que je trouvais kitsch, c'est plus dans les effets, tu vois, par exemple, Leila Bekti, elle a les yeux bleus, franchement, on dirait un montage Photoshop, quoi. Tu vois, c'est plus dans ce truc, c'est pas dans les costumes. Après, c'est dans un an, donc est-ce que c'est pas fini aussi? Ben, pour moi, il est là le problème. Pourquoi tu sors le truc un an avant, tu dis oui, c'est pour préparer les gens, peut-être, mais est-ce que les gens, du coup, ils vont pas s'enlacer, ils vont pas s'ennuyer du projet? Moi, je trouve qu'un an avant, c'est un peu trop tôt. Ouais, bah, je suis d'accord, hein, c'est un peu trop tôt aussi, je pense. Bah écoute, peut-être que justement, ils sont vraiment confiants sur leur truc. Mais c'était peut-être pour tester le public. Aussi, voilà. Les effets ne sont pas terminés encore. Peut-être pour avoir des retours, en effet, et puis avoir le temps de toucher ça, soit en post-prod, soit reshoot quelques trucs. Moi, je pense que ça peut être, à mon avis, un mélange entre Kick-Ass, The Boy et Au Poste. Ça va être, à mon avis, un consensus de tout ça un peu. Et je pense que ça peut être très, très réussi. Pourquoi Au Poste? Au poste, je sais pas pourquoi, j'ai Venin Poulvorde, je me dis que lui, je trouve qu'il a un peu ce délire-là, et il pourra avoir ce délire-là dans ce film, un peu, tu vois. Mais il a l'air sacrément sérieux quand même dans le. Bah, dans Au Poste, gros, il est sérieux. Hein. Non, mais le ton du film, je pense pas que c'est en mode un peu comédie, ça a l'air quand même très sérieux. Ah oui, ça parle de ouf, hein. Ça a l'air sérieux. Je parlais d'un mélange en fait, hein. Je parlais vraiment d'un mélange de tout ça, j'ai pas dit que ça allait être comédie. Mais non, ça peut être très intéressant. Quand même. Ok, bon bah écoutez messieurs, on n'a qu'à passer aux sorties de la semaine, ça fait 3/4 heures qu'on enregistre et on n'a fait qu'une rubrique, je sens que ça va être très très bon aujourd'hui. Sur le petit écran, on a Is Dark Materials, donc je suppose que peut-être, est-ce que vous savez tous ce que c'est? Sinon je vais vous le dire. Toi je sais ce que c'est, tu sais Romu? Jérôme, tu sais ce que c'est? Je sais pas. Et Joss? J'ai pas entendu, je suis désolé. Is Dark Materials? Non, je sais pas du tout. Ah d'accord, écoutez, bah, c'est bizarre parce que la série en... fait pas mal parler en ce moment. C'est une adaptation de À la croisée des mondes avec, entre autres, Daphne Keane et James McAvoy. Et c'est produit, entre autres, hein, parce qu'il n'y a pas que, par HBO. Les trailers sont sortis il y a quelques semaines maintenant et ça a l'air très très ambitieux. Du coup, je vais en parler avec toi, Romu, parce que tu les as vus, il me semble. T'en as vu au moins un. Non. Il y a eu qu'un film, de toute façon. Il y a eu qu'un film, ouais, mais je te parle de la série. Là. T'as vu le trailer? Ah oui, oui. Pardon, oui. Ah oui, d'accord. Bah, voilà. Excuse-moi. Et du coup, qu'est-ce que tu penses du trailer? Le trailer est très ambitieux. Ah ouais, là, clairement, c'est ambitieux aussi. Ouais. Je pense qu'on se rapproche d'un Game of Thrones, dans l'ambition, je parle. Ok. Ouais, pourquoi pas. Et puis, il y a James McAvoy, Daphne Keane, qu'on n'avait pas revu depuis Logan. Ouais. Donc, ouais, pourquoi pas. C'est pas un univers qui me parle forcément. Mais... Alors, c'est adapté du bouquin À la croisée des mondes, du coup, il me semble. Est-ce que vous avez vu le film, vous, les gars? Non. J'ai pas vu. Il y en a eu qu'un, c'est ça, ouais. Et ça a été. Ça n'a pas marché, quoi, c'est ça. Ouais, le film était plus qu'au moyen, donc c'est pas une grande perte. Mais en tout cas, la série a l'air intéressante. Donc, HBO qui est derrière, donc moi, ça me hype un petit peu. James McAvoy qui a l'air excellent dedans. C'est pas le rôle principal, malheureusement, mais il a quand même un petit rôle. Donc, écoutez, messieurs, à voir. On va peut-être directement passer aux sorties sur le grand écran. À commencer par La Belle Époque de Nicolas Bedos, futur réalisateur de OSS 117.3. Victor et Antoine montent une entreprise visant à replonger leurs clients dans l'époque qu'ils désirent. Film qui était présent au Festival de Cannes. En hors compétition, me semble-t-il. Qu'on n'a pas vu. Qu'on n'a malheureusement pas vu. Joss, tu n'as pas vu non plus, je pense. Non plus, non, je ne l'avais pas vu. Mais par contre, à Cannes, il s'est fait descendre. Ah. Il a pris très cher à Cannes. Ah mais bon par contre, il paraît que les avis maintenant, ils sont assez bons, tu vois, du film. Mais à Cannes, sur le moment, il avait pris assez cher. Je croyais avoir entendu l'inverse à Cannes. Non, il me semble bien qu'il avait pris cher et que finalement, après, les gens, là, avec le temps, ils disent « Ah non, mais finalement, c'était pas si mal. » Mais il me semble que sur le coup, il avait pris cher, ouais. D'accord, ok. Si jamais vous avez envie d'en dire quelque chose, n'hésitez pas. Ben moi, la bande-annonce, je l'ai vue au cinéma la semaine dernière. Elle a été diffusée. Et j'avais trouvé ça assez intéressant. Pour le coup, j'avais dit que l'idée c'était pas mal. Bon, ça faisait un peu Westworld, du coup. Mais je trouvais que c'était assez intéressant. Et pourquoi pas? Après, je pense pas que j'irai le voir. Mais pourquoi pas? C'est un peu à Truman Show dans ce côté monde cloisonné. Ah ouais. On a un peu je l'ai référence. Ouais. C'est vrai, ouais, carrément. Après, pourquoi pas? C'est français, c'est ambitieux. Ok, bah écoute, pendant que tu as la parole, on va essayer de parler de Fury maintenant, film d'Olivier Abou, que je sais que tu attends, parce que tu m'as envoyé le trailer. Ouais. Pour le résumé, pour les vacances d'été, un couple prête sa maison à la nounou de leur fille. À leur retour de vacances, la famille trouve les portes fermées, les serrures ont été changées et les occupants prétendent être chez eux. C'est un film inspiré de faits réels. C'est un projet que j'attends et un film ancré dans le réel, je pense. Parce que c'est un sujet... Inspiré de faits réels, pour le coup, donc... Ouais, voilà. Il peut pas être plus ancré que ça, je pense. Ouais, j'espère. Et je trouve ça assez jouissif, tu vois, le concept. Donc, C'est un film français? Ouais. Un film français de genre? Ouais, bah c'est un... C'est justement un genre qui monte en ce moment en France. Tout à fait. Le film fait beaucoup parler de lui en ce moment. Est-ce que toi, Joss, vu que tu nous parleras des films de genre après, c'est un film qui t'attire maintenant que t'as eu le synopsis? Eh ben carrément, et je pense que si il est diffusé, parce que moi, il faut savoir où j'habite, les diffusions ciné, c'est très problématique, c'est l'enfer. Donc s'il est diffusé, j'irai le voir, mais je pense qu'il ne sera pas diffusé, donc du coup, je devrais attendre une sortie en DVD Blu-ray pour pouvoir le voir. D'accord. Toi, Jérém, à part Marianne, dont tu avais parlé au podcast dernier, mais bon, malheureusement, tu as été coupé au montage, c'est pas trop film de genre français. Maintenant, est-ce que Marianne, ça changer d'avis? Ouais, totalement. Mais là, ça, ton synopsis, là, ça me donne beaucoup envie. Là. Et du coup, ça va faire... Moi, il y a un truc comme ça qui m'arrive. Moi, je te fais une Negan, hein, c'est sûr. Hein. J'espère que ça va partir en batte de baseball là-dedans. Bah, écoute, peut-être regarde le trailer parce que je suis pas sûr que ça se passe comme ça dans la vraie vie. Mais ouais, en tout cas, c'est très, très intéressant. Bah, gros, je pense que gros, ça se passe comme ça dans la vie. Gros, si, imagine, t'as des gens qui sont chez toi qui disent c'est chez moi. Bah, gros, ça se passe comme ça en vrai. Bah, oui, non, la porte elle est fermée. Qu'est-ce que tu vas faire, frère? T'es avec un bulldozer, gros, tu casses ta porte? Ah bah gros, tu viens à plusieurs gros, hein. Il va se passer un truc. Hein. Bah écoute, on verra bien ce qui se passe dans le film et ce qui s'est passé aussi dans la vraie vie quand on se renseignera. Et on n'a qu'à passer au film suivant, film qui est martelé vraiment à coup de com' depuis un petit moment, Midway, nouveau film de Roland Emmerich. Pour vous faire le résumé, après la débâcle de Pearl Harbor qui a laissé la flotte américaine dévastée, la marine japonaise prépare une nouvelle attaque qui devrait éliminer définitivement les forces aéronavales américaines restantes. Nouveau film, c'est pas un film catastrophe. Enfin, je sais pas quel genre de film c'est un film historique, mais après, voilà, j'en sais pas plus. C'est en partie catastrophe. Voilà, c'est en partie catastrophe, c'est aussi historique. C'est un film de guerre, les enfants. C'est potentiellement un film de guerre. Moi, j'avoue que pour le coup, je suis plus hypé par 1917 que par... en parlant de film de guerre. Ouais, carrément, ouais. Mais je crois d'ailleurs qu'ils ont mis un frère Jonas dans le rôle principal. Ouais, Nick Jonas, je crois. Ouais, bah, le mari de Sophie Turner. Ah ouais ? Ils sont ensemble ? Bah, je crois. Nick Jonas, le mari de Sophie Turner. Ouais, tout à c'est fait. Possible. C'est possible. Non, mais c'est sûr à 100%. Marie a fait que me le dire. Ah. Donc, nos films de Roland Emmerich, puis j'ai l'impression que plus personne l'attend au tournant, en fait. Plus personne l'attend tout court, ouais. Ok, bon, toi, il n'y a même plus de tournant qui tourne, quoi. C'est vraiment... Puis je vois le trailer, ça me donne mais pas du tout envie, ça me laisse froid mais glacial quoi. Donc ouais non franchement. Ça a l'air relativement moyen en vrai, mais bon. C'est un film qui va sortir sur Netflix, enfin sur en SVOD directement ou en DVD. Ah ouais, c'est carrément. Il y a sa place en salle pour moi. Ouais pour le coup. Ah non, il devrait sortir même en clé USB, même pas en DVD quoi. Ça va être ce qui pousse vraiment le but du coup. Ah ouais non mais c'est. Je suis pas d'accord avec vous de dire que c'est pas un film qui devrait sortir au cinéma parce que justement. Roland Emmerich, on est d'accord, il est quand même fort dans tout ce qui est visuel et tout. C'est un film à voir au cinéma quand même. J'irai le voir, même si ça n'a pas l'air d'être au niveau du Pearl Harbor de l'époque. Mais pourquoi pas. Mais après, ça se passe après Pearl Harbor, donc. Ouais, mais de toute façon, dans Pearl Harbor, si tu regardes bien, t'as les deux étapes. Hein. T'as l'étape quand ils se font attaquer et l'étape où ils attaquent après. Hein. Mais écoutez, oui, Roland Emmerich, là pour le coup. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune attente autour du film, puisqu'il sort en novembre. Non, je crois que c'est Metropolitan qui martèle la com vraiment à tout bout de champ, partout, mais partout, partout. Comme s'ils avaient un truc à prouver, alors que le film a l'air plus que moyen. Maintenant, écoutez, on verra bien ce que ça donne. Il y a un casting intéressant derrière. Mais... Il y a qui ? Il y a Patrick Wilson, Aaron Eckhart. Il y a Patrick Wilson, qu'est-ce qu'il fait là-dedans ? Ouais, Patrick Wilson, il y a Woody Harrelson aussi. Aaron Eckhart, le problème d'Aaron Eckhart, si je ne m'abuse, c'est qu'à part son rôle de double face dans Batman, Aaron Eckhart, c'est un acteur un peu claquax. Hein. Un peu, mais bon, il a fait quand même... Enfin, j'ai pas de rôle en tête particulièrement, mais il a fait pas mal de films. Il a fait que des films moyens. Ouais, non, c'est pas ouf. C'est vrai. Donc, il peut remercier Nolan de lui avoir donné un film comme ça. Enfin, deux films. Que... Ouais, un film comme ça. Ouais. Donc, sans ça, il aurait peut-être pas décollé. Enfin, il aurait pas eu. Ouais, peut-être que voilà, ça serait passé différemment pour lui. Mais bon. Patrick Wilson, par contre, moi, j'adore Patrick Wilson. Vraiment. Même s'il fait des fois des trucs relativement moyens, je pense au dernier film adapté de Stephen King qui est sorti sur Netflix, Dans les Hautes Herbes, où il joue le père de famille. Il fait des films moyens, mais je trouve que c'est un mec qui a vraiment une bonne gueule, Patrick Wilson. T'as envie d'aimer ce qu'il fait. Notamment dans Fargo, où il est absolument monstrueux. Ah, il est trop bon. Quelle saison, déjà ? Saison 2, Fargo. C'est quel personnage, déjà ? C'est le flic. Ah, oh, il est fou. Oh, il est fou, gros. Oh, qu'est-ce que je l'aime, lui. Qu'est-ce que j'aime cet acteur. Oh, putain. Eh, ça soit cet acteur... Cet acteur ou Woody Harrelson, là, c'est deux acteurs, gros. C'est des pères. C'est pour ça que j'ai envie de voir le film, en fait. Parce qu'il y a ces acteurs-là. Ah, ouais, d'accord. Mais Patrick Wilson, c'est aussi Watchmen, hein. Ah, Watchmen, gros. Oh, gros Watchmen, c'est fou. T'as jamais vu ? Ah, dommage, tu passes à côté d'un truc, mais bon, tu devrais le regarder. On va passer à la nouvelle rubrique, messieurs. En fait, vous allez voir, non, mais elle va bien, spécialement très bien. C'est les visionnages de la semaine, en fait. On va parler des films dont on a parlé la semaine dernière, qu'on s'est fait conseiller. Et on va commencer par Incendies. Jérém, tu as vu le film ? Non, on n'a pas eu le temps de le voir encore, ne nous spoil pas, s'il te plaît. Mais est-ce que tu peux dire à Joss ce que tu as pensé du film ? Alors, j'ai adoré parce que déjà, il y a un côté, il y a un côté très premier film, ça se voit, mais très bien fait, ça c'est clair, c'est indéniable. Bon, Denis Villeneuve, il est extrêmement talentueux, tout le monde le sait, je pense. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que pour une fois, on parle des chrétiens qui sont en Palestine. C'est clair, c'est un conflit qui est entre les musulmans et les chrétiens, mais je trouve que c'est original de parler des chrétiens en Palestine. Donc je voulais vraiment le soulever, parce que c'est pas courant. L'histoire est très intéressante. Tout le long du film, on apprend énormément de choses. Il y a de belles surprises. Je spoil rien pour pas vous mettre... vous spoiler, vous gâcher le film, parce que ça peut vraiment gâcher le film de connaître tous les éléments importants du film. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, visuellement, il est assez fou, je trouve. Avec de la simplicité, ils ont réussi à faire un film très très fou. Voilà, il y a de la violence quand il en faut, il y a des moments importants quand il le faut. Bref, c'est très bien construit, ça dure 2 heures et je vois pas le temps passer dans ce film. Et du coup, tiens, j'ai une petite question, parce que moi c'est un sentiment que ça m'a fait quand j'ai vu le film. Maintenant que tu as vu le film, comment t'imagines la pièce de théâtre? Tu peux faire une pièce de théâtre? Parce qu'à la base, c'est une pièce de théâtre. Bah, tu peux faire une pièce de théâtre dans le sens où... Bah, je trouve que c'est assez fou, quoi, en pièce de théâtre, quoi. Tu vois, faire cette histoire avec autant de décors en pièce de théâtre, je trouve que du coup, c'est assez fou et ça donne envie de voir la pièce de théâtre. En fait, il faut juste que là, derrière, le mec, le chef décorateur, là, il soit archi chaud, quoi. Le chef décorateur, il est chaud. Après, si tu regardes bien, il y a beaucoup de lieux où ça se passe dans des pièces. Ouais, carrément. Après, c'est réadapté, de ce que j'ai compris, c'est réadapté. Ouais, donc, oui, c'est réadapté. Avis, à mon avis, toutes les scènes qu'il y a dehors, on peut potentiellement s'y en faire beaucoup à l'intérieur, dans des huis clos, tu vois. Ouais, carrément. Ouais. Voilà, mais bon, j'aime énormément. Merci pour ton avis. Content que tu aies pu le découvrir. N'hésite pas à me ramener mon bourré à l'occasion, s'il te plaît. Ça marche. Alors, je peux le voir quand même. Moi, j'ai eu l'occasion de voir l'heure de la sortie que Romy nous avait gentiment conseillé la semaine dernière. Je vais donc vous livrer ma petite critique, messieurs. Il s'agit d'un film intense, angoissant et profondément émouvant. C'est très déprimant, mais très, très humain en même temps. Comme Romu n'avait rien dit de spécial sur le scénario, bien que je trouve qu'il soit allé un poil trop loin, je vais vous en dire encore moins pour vraiment vous laisser la découverte. C'est un film français qui est très intelligent, avec une ambiance à la John Carpenter, je trouve, quand on connaît un petit peu sa filmo. Vraiment, c'est un film très pesant. Et en fait, le défaut majeur, je pense, qu'on peut lui trouver... Et Romu le confirmera, parce qu'en fait, il l'a appris récemment, c'est que le film prend une autre dimension, bien plus intéressante, quand on a lu le livre La Métamorphose de Kafka. Ouais, je confirme, j'avais pas vu les subtilités du scénario avant que tu me dises tout ça. C'est un livre qui est énoncé dans le film, clairement, par le professeur, comment il s'appelle déjà ? Pierre ? Non, je parle de l'acteur. Laurent Lafitte. Voilà, Laurent Lafitte. C'est un livre qui est clairement énoncé dans le film et c'est un livre, en fait, qui sert vraiment à décoder le film. Mais vraiment. Et le truc, c'est que c'est pas dit comme ça et en fait, il s'avère que j'avais pas du tout compris le film. Vraiment, mais vraiment à l'opposé. Je pense, Romu, toi aussi, que t'as découvert le film 5 mois après l'avoir vu. Enfin, on comprend l'essentiel du film, mais on n'a pas clé de réponse. Ouais, voilà. Notamment sur un événement qui se passe, un événement majeur qu'on croit comprendre, mais à vrai dire, c'est pas du tout ça. Bah écoutez, messieurs, je vous conseille de le voir, du coup, comme Romu l'avait fait. Moi, écoute, de mon côté, du coup, ça me donne encore plus envie. Je trouve qu'il y a aussi une autre œuvre aussi qui utilise le même principe, qui utilise des livres pour décoder, on va dire, sur son histoire, on va dire, c'est Lost. Lost, il fait ça à chaque fois, en fait. À chaque fois, il met un livre en partie. Et pour un peu mieux comprendre, voilà, ben, il faut voir un peu la subtilité du livre. Donc, ça me donne envie, du coup. Ok, bah écoute, très bien. Alors là, je me retrouve un peu embêté. Je devais parler de Le Roi avec Joss, film sorti sur Netflix, avec Timothée Chalamet, Joel Edgerton et Sean Harris dans les rôles principaux. Malheureusement, Joss, il n'a pas eu le temps de le voir, donc je vais vous faire ma critique et j'espère que je vais vous donner le voir parce que, croyez-moi, le film est incroyable. Attends, il est où là, il est sur Netflix, on est d'accord hein. Ouais, il est sorti sur Netflix vendredi 1er novembre. Ok, bon, bah je vais le regarder, je pense, ce week-end. C'est un film qui retrace l'histoire d'Henri V, roi d'Angleterre malgré lui. Donc dans les rôles principaux, comme je vous l'ai dit, Timothée Chalamet, Joel Edgerton, Sean Harris et Robert Pattinson, j'ai oublié de le mentionner, qui joue un français. Robert Pattinson qui joue un français, c'est l'acteur, je trouve, qui a vraiment un rôle relativement raté. Enfin, je trouve que Robert Pattinson, il essaie, si vous regardez le film en VO, il essaie de parler français et c'est catastrophique, vraiment. Ah merde. Du coup, en fait, tous ceux qui le détestaient mais qui connaissaient que Twilight, du coup, vu que Netflix est assez populaire, ils ont Netflix, ils regardent le film et ils vont vraiment dire que c'est de la merde, Pattinson. Ah, ils vont peut-être penser ça. Maintenant, quand t'es assez intelligent, tu comprends que c'est pas de sa faute. Ouais, oui, j'imagine. On a aussi la présence de Lily Rose Depp. C'est marrant parce que je crois qu'elle est en couple dans la vraie vie avec Timothée Chalamet. Et donc, second film pour Netflix du réalisateur David Michaud qui avait réalisé l'excellent The Rover avec Guy Pearce et Robert Pattinson dans les rôles principaux. Le film qu'il a fait pour Netflix, c'est War Machine avec Brad Pitt. Vous l'avez peut-être vu. Ouais, je l'ai vu. Ouais. Je l'ai pas vu, moi. Mais il y a Brad Pitt dedans, non ? C'est pas un grand film, hein, mais bon. Non, c'est pas terrible. Ça se regarde. Donc, l'histoire d'Henri V, elle avait été réécrite par Shakespeare en pièce de théâtre. Mais là, le film s'en éloigne vraiment et le réalisateur réinterprète les événements historiques. Et croyez-moi, c'est franchement très bien vu. Le personnage d'Edgerton, de Chalamet et même la fin sont différentes de la pièce de théâtre. Et la réalisation est très brillante. Je pense à un plan séquence notamment sur un champ de bataille où on suit Timothée Chalamet qui est juste fou. La bande-son, elle est un petit peu envoûtante, je dirais comme l'heure de la sortie, un petit peu pour faire un comparo. Maintenant, il y a vraiment le thème principal de The King qui est là. Quoi. Et ce thème-là, quand on l'entend, c'est franchement jouissif. Scénario relativement bien écrit, acteur très bien dirigé, le film a franchement tout pour séduire, et je vous le recommande, car vraiment, le scénario est prenant. Du début à la fin, le film fait 2h20, mais du début à la fin, c'est vraiment prenant. Et bah écoutez, Timothée Chalamet, on commence à le connaître, mais il est vraiment, il porte le film. Au début, il a une gueule de con un peu, mais au fur et à mesure du film, ça se transforme, et il est très très fort. Donc moi, je vous recommande le film, bien sûr. Eh ben, on le regardera. De toute façon, je pense que je le regarderai aujourd'hui. Donc, au pire, j'en parlerai la semaine prochaine. Ouais, moi, moi pareil. Au scénario, ben, c'est David Michaud et Joel Edgerton. Comme j'avais dit la semaine dernière, en fait. Ouais, autant pour moi, je m'en souviens. Il n'y a pas de souci. Voilà, messieurs, on va passer à la séquence Le Choix. Sauf qu'il s'agit d'un vrai ou faux. C'est un petit jeu. Je vais compter les points pour savoir qui gagne. Bon, malheureusement, il n'y a rien à gagner. Mais croyez-moi, c'est très amusant à faire et relativement sympa. Enfin, je l'espère parce que j'ai testé tout seul, je vais taper des grosses barres. Donc, ouais. Je vais vous demander, messieurs, de répondre dans l'ordre logique. Joss, Romu et Jérém, vrai ou faux. Ne dites rien, je veux juste vrai ou faux. Moi, je note si c'est vrai ou c'est faux pour vous. On a des jokers, hein, 50-50. Vous avez le droit à un indice. Ok. Voilà, par personne pour la durée du truc. Et j'ai le droit de prendre le téléphone ? Non, interdit, malade. Ben, non, les infos sont sur Internet. Donc, interdit. Okay. Non, c'est bon. J'ai pris des trucs relativement connus. Premier affirmation. Les bruits émis par les brachiosaures dans Jurassic Park sont une combinaison de sons émis par une baleine et un âne. Vrai ou faux, Joss ? Vrai. Vrai. Totalement vrai, j'ai l'info. Ok. Et donc ? C'était vrai. Non, réponse à tout ça. Attendez, je note. Dans Benjamin Gates et le trésor des Templiers, les gentils utilisent Google et les méchants Yahoo. Faux. Ouais, je veux dire vrai. D'accord. Je sais pas, je dirais faux, j'ai pas d'info. C'était vrai, bravo. Romu. Oh yes. Bravo Romu. Les séquences complètes de 2001, l'Odyssée de l'espace, donc je parle des rushs tournés, durent plus de 100 fois la durée totale du film. Vrai ou faux ? Vrai. Ah, c'est énorme, je dirais faux. D'accord. Je dirais vrai, selon... avec Kubrick, c'est un fou, lui. Ok, bah, effectivement, c'est un fou, parce que c'est pas plus de 100 fois, c'est plus de 200 fois. Bien joué, Romu, c'était faux. D'accord. C'est subtil ton truc là. Ah, c'est subtil. Bon. Et dernière affirmation, messieurs. Morgan Freeman a rejoint le casting de Seven 2 jours avant le début du tournage. Attends, j'essaie de réfléchir vite fait. Je dirais. En fait, je vais dire faux. Non, pardon, je vais dire vrai parce que je vois pas où t'aurais pu pondre cette info, donc je vais dire que c'est vrai ça. Je suis du même avec lui, donc c'est vrai pour moi. Ouais, je vais faire ma baltrame, je vais dire vrai aussi. Ben écoutez, messieurs. L'info, c'est que c'est une vraie info, mais il ne s'agit pas de Morgan Freeman, mais de Kevin Spacey. Donc, vous avez tous les trois faux. Ah, merde. Que c'était faux. Voilà où j'aurais pu prendre l'info. En fait, j'ai pris des vraies infos et je les ai transformées. Ah, bah, d'accord. Félicitations à Romu. Bravo. Qui gagne avec 3 points. Et vous, messieurs, vous avez un. Est-ce que ça vous plaît comme jeu ? Ah, ouais, génial. Mais pourquoi il s'appelle Le Choix ? Bah, parce que tu choisis vrai ou faux. Ah, d'accord. Ok. T'as d'autres questions ou pas ? Là, c'est tout. Là, c'était sympa. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Et... Ouais. Mais j'aime bien aussi le truc des acteurs et réalisateurs, là, où on doit choisir. Ouais, ouais, mais t'inquiète, on changera de temps en temps. Ou alors, on rajoutera une petite colonne en plus, peut-être. Ouais. on est plus à 1 heure près. Ah non, là, on est plus à 1 heure près. Écoutez, on va passer à la section Recommande-moi, et Jérém, vu que tu parles, on va commencer par toi. Dis-nous. Bah, moi, je voulais parler de Pleasantville. Qui a vu Pleasantville, déjà ? Pas moi. Ah ok, ça fait une belle équipe quand même. C'est un film avec Tobey Maguire et Reese Witherspoon. Je sais. Attends, il a joué dans quoi déjà ? On l'a déjà vu plusieurs fois. Là, comme ça, j'ai plus les titres. Reese en plus. Oui. Elle a joué dans. Elle a fait Big Little Lies récemment. Ouais. Ouais. Bon, Wild. Moi, Wild. Voilà. C'est surtout ce film-là, ce truc m'avait vachement marqué. Voilà. Il y a aussi le mec qui joue dans. Comment il s'appelle déjà ? C'est Jeff Daniels ou Joan Allen, celui-là qui joue avec Jim Carrey ? C'est Jeff Daniels, dans Dumb and Dumber. Ok, voilà. Bon, il y a lui qui joue dedans, voilà. Bon, bref, il y a des petites têtes quand même dedans. Je vous dis vite fait le synopsis, après je vous dis un peu ce que j'en pense, sans vous spoiler, bien évidemment. David, naïf et rêveur, s'évade au quotidien grâce à Pleasantville, un sitcom des années 50. Là-bas, tout est bonheur, calme et simplicité. À l'opposé, sa sœur jumelle Jennifer... impertinente et branchée, vit à fond son époque. Un soir, un étrange réparateur de télévision leur donne une télécommande qui les projette dans l'écran. Les voilà obligés de vivre à Pleasantville, en noir et blanc, dans un monde d'un autre temps. Mais Jenny n'entend pas se soumettre à cette vie bien trop tranquille. Et bientôt, c'est Pleasantville qui se détraque. Donc, ce film... Non, c'est beaucoup plus subtil. Largement. Déjà, les acteurs, rien à voir, hein, on est dans un autre délire. En fait, ce qui est bien en fait dedans, voilà, c'est bon. Il y a Tobey Maguire, déjà aussi. Donc, voilà, c'est un bon acteur quand même. On peut pas. Très bon acteur. On peut pas le nier. Voilà. Donc, ils vont rentrer, si vous voulez, dans une série où il se passe pas grand chose en soi. Enfin, tout se passe bien en fait. Hein. C'est les familles du bonheur, en gros. Et en gros, en fait, la fille va faire un événement en fait qui va déboussoler tout l'univers en fait de la série en fait. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure en fait du film, il va se passer des croisements entre le noir et blanc et la couleur. Et vous allez voir que ça sera énormément ancré, on va dire, dans notre réalité à nous en fait. Bien sûr, avec le racisme, hein, vous avez bien compris. Voilà. Donc, je vous en dis pas plus parce que ça serait vraiment dommage, on va dire, de vous spoiler, on va dire, les éléments du film. Mais c'est un film qu'on parle très peu. Il va être difficile à trouver en Blu-ray avec les voix françaises. Donc, je vous conseille, au pire, le DVD. C'est pas très grave. Hein. Mais c'est un film qu'on parle très peu. Et je trouve qu'au niveau du budget et des effets visuels avec le noir et blanc et la couleur, sont assez dingues. Voilà. Donc, je peux que vous conseiller ce film-là qui est une petite perle, en fait. Vous en pensez quoi ? Moi, j'ai peur que tu m'aies trop vendu le projet, en fait. J'aurais peut-être aimé découvrir vraiment ce qui s'est passé et tout ça. Après, moi, tu m'as déjà parlé du film il y a longtemps, donc je sais ce que tu m'avais dit. Mais j'avoue que j'aurais peut-être aimé en savoir un peu moins, quoi. Ah, bon, désolé, alors. Il n'y a pas de mal, t'inquiète. Et toi, Joss ? Moi, ça m'a donné envie. Du coup, pareil, je l'ai ajouté à ma liste. Après, putain, ça va être galère de le trouver, apparemment. On va essayer de voir. T'inquiète. Tu connais Pelt ou pas ? Ouais, en fait, je comptais sur toi. Okay. Il y est déjà. Ah, il y est déjà. Ouais. Ah ouais, tant pour moi. Et ça donne envie. Tobey Maguire, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Donc, et c'est un film que j'ai pas vu, donc ça me fait une découverte avec lui. Sous-employé, Tobey Maguire. Ouais, assez sous-employé, je suis d'accord. Moi, le dernier film avec lui qui m'a marqué, c'est un film avec Josh Brolin et Kate Winslet. Oh, pardon. Je vois pas du... Ça vous parle pas ? Je vois pas de quel film tu parles. Non, moi non plus. Une après-midi. Ah, une après-midi à... Ah oui, putain. Je vois ce que tu veux dire. Excellent film. Tu l'as vu ou pas ? Je l'ai pas vu. Ah, dommage. Parce que le film est excellent et il y a Tobey Maguire dedans. Donc, je vous le recommande. Bref, c'est pas le... Mais il fait que trois films en ce moment. Ben non, Tobey Maguire fait pas grand-chose. Je crois qu'il a fait une série il y a pas longtemps. Ouais. Mais Tobey Maguire, c'est ce que je dis, en fait, sous-employé, vraiment. Oui, il fait partie des acteurs sous-employés avec Patrick Wilson. Ouais. Je sais pas, Patrick Wilson, il fait beaucoup de films, quand même, mais après, peut-être pas tant de contenu. Je suis un peu d'accord. J'ai envie de le voir aussi, parce que ça a l'air très original. Bah, en fait, Tobey Maguire, il était bunkable à l'époque. Hein. C'était le mec qu'on appelait souvent, on va dire. Mais après, c'est vrai que là, ça fait un moment qu'on le voit plus trop, quoi. Mais écoute, en tout cas, ouais, puis on le verra, puis on dira ce qu'on en pense. Écoute, en parlant de Romu, on va passer à Romu. Oui. Tu veux nous parler de On l'appelle Jigrobot, je crois. Ouais, je voulais vous parler de On l'appelle Jigrobot, un film de super-héros italien. Déjà, que vous en avez déjà entendu parler ? Je connais de nom, moi, mais j'ai jamais vu. Ouais. Toi, Moi, je l'ai en Blu-ray. Ah ouais, tu l'as en Blu-ray ? Tu te rappelles pas ? C'est toi qui me l'avais acheté. Ah ouais ? Je m'en souviens pas, tu vois. On avait fait un échange, tu te rappelles, à un moment. Ah si, oui, désolé. Mais t'es une grosse mémoire, c'est abusé. Ah mais, t'inquiète, hein, je me rappelle, c'est tout. Mais donc, je l'ai pas encore vu, mais c'est vrai que j'avais très envie de le voir, mais peut-être que là, tu vas me donner très très envie de le voir tout de suite. J'espère. Vas-y. Et toi, Jérôme. J'ai pas vu gros. Petit récompensé sorti en 2017. Donc il a remporté 7 David di Donatello, c'est l'équivalent des Césars en Italie, dont meilleur acteur, meilleure actrice dans un premier et second rôle, et meilleur réalisateur débutant. Poursuivi par la police dans les rues de Rome, Enzo plonge dans les eaux du Tibre et entre en contact avec une substance radioactive qui le contamine. Il réalise bientôt qu'il possède des pouvoirs surnaturels, une force et une capacité de régénération surhumaine, qu'il décide de mettre au service de ses activités criminelles, du moins jusqu'à ce qu'il rencontre Alessio. C'est un film de super-héros qui sort des codes établis par les films de super-héros américains, estampillés DC et Marvel, vous savez de quoi je parle, qui vampirisent le grand public depuis 10 ans. C'est un film dépaysant pour moi, fait avec peu de moyens malheureusement, mais une énergie, une sacrée énergie quand même, et qui détourne les codes du film de super-héros en utilisant notamment les réseaux sociaux. Je ne vais pas vous en dire plus. Il parle des difficultés sociales dans les banlieues de Rome et le climat tendu qui règne là-bas. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Non. Non, je ne suis pas au courant. Voilà, vous le saurez en regardant le film. Donc je vous recommande, si vous en avez un peu ras-le-bol, des films de super-héros à la Avengers. Bon, on a eu des films intéressants comme Joker. Mais bon, voilà. Ah oui, t'en as pas marre de la formule narrative des films Marvel? Bah, moi, je kiffe, hein, gros. Moi, j'aime pas tous les films. Mais franchement, après, gros, il y a des bons films, hein, chez Marvel. Je trouve, en fait, les gens, ils sont durs, en fait, un peu avec les Marvel et, ou les DC. Les DC, je trouve, bon, ils ont raté pas mal de films, mais ils en ont réussi aussi pas mal. Genre Aquaman, Wonder pareil, Woman. Ouais, c'est différent. Mais genre, même Marvel, moi, je sais pas, j'aime beaucoup de films, tu vois, de Marvel. Hein, et je kiffe, et à chaque fois, je prends plaisir à les regarder. Ouais, oui, on prend plaisir, tu vois, mais c'est vrai que c'est répétitif. Alors, c'est ouais, pareil. Ça tourne en... Un exemple de cette répétitivité, d'ailleurs, c'est Ant-Man 2, quoi. Bah, Ant-Man 2, il est pas terrible, je suis d'accord, mais bon, c'est un petit film comme ça, quoi, après, mais il est pas fou, je suis d'accord, moi, j'ai pas trop aimé, hein, le 2. Mais genre, les Avengers, ils sont terribles. Avengers Infinity War et Avengers Endgame, ils ont pas du tout la même formule narrative que les autres, justement. Ouais, ils sont différents, c'est clair. C'est clair. Bon, après, je sais pas, genre, je trouve les Gardiens de la Galaxie, c'était différent et tout, tu vois, il y a plein de films, quand même, qui ont été un peu différents. Ouais. Voilà, bon après c'est mon avis, hein. Je sais qu'on ne partage pas tous le même avis, mais moi je vois, j'aime bien le film Marvel, ça me fait kiffer. Mais bon, ton film gros, rien que le synopsis, il me donnait envie, hein, quand même. Bref, vous posez une question à tous les deux. À quoi vous fait penser le titre? Enfin, vous pensez à quoi? Quand je vous dis, on l'appelle Gigrobot. Parce que c'est vrai que le titre est assez intriguant, j'en ai pas parlé. Moi ça me fait penser à un dessin animé avec un robot, là. Je sais pas pourquoi. Ouais. Je cherche pas à comprendre un robot genre qui est blanc-bleu, là. J'en dirais pas plus. Ok, bah ça me fait penser à ça. Et toi, Anto? Pas grand-chose, hein. tu verras en regardant le film. On appelle... Si, ça me fait penser à une phrase de Média, en mode, regardez, Flash Spécial, on l'appelle Gigrobot. Non, t'as raison. Enfin, moi, je trouve que c'est pertinent. Bah, vu que t'as évoqué le Média après... Ouais. Non, c'est pertinent, mais t'en es un peu loin. Donc, tu verras... Ok. Tu verras pourquoi on l'appelle Gigrobot. Ok, très bien. Je vais vous parler de la série Canal+, La Guerre des Mondes. Alors, il faut savoir un truc. Pardon ? Je l'ai mise de côté, je l'ai téléchargée, celle en plus. Ok. Il y a deux séries La Guerre des Mondes en ce moment. Bah, j'ai pris celle qui est sur le Canal+, il me semble, je ne vais pas être bêtise. Ok, ouais, bah, c'est la Canal+. Il y a deux séries La Guerre des Mondes ? Ouais, les deux s'appellent La Guerre des Mondes. Il y en a une qui se passe à l'époque victorienne anglaise et il y en a une qui se passe là. Il faut savoir que c'est une coproduction. J'espère que j'ai la bonne. J'espère que j'ai la bonne. Non, mais au pire, l'autre, il paraît qu'elle est mieux. Mais la série n'est pas incroyable. Hein. On va se le dire tout de suite, la série n'est pas incroyable du tout. Cependant, elle se tape un 2 sur 5 sur Allociné et un déferlement de haine, mais vraiment de haine. En fait, je pense que son principal défaut, c'est de s'appeler La Guerre des Mondes. En fait, c'est une série presque d'auteur. C'est une série qui est très intimiste. C'est une série où on ne voit pas trop les extraterrestres, les monstres. C'est relativement lent. Et les personnages sont français, une partie. Il y a des personnages anglais. Par exemple, on a Léa Drucker, dans l'un des trois arcs narratifs. On a Gabriel Byrne, qui est un très bon acteur, mais bon, malheureusement, on s'en sert plus trop. L'arc narratif de Léa Drucker ne sert à pas grand-chose, et elle n'est pas très bien dans le rôle. Ça sert à un truc en majorité, mais c'est au début de la série, et après, ça ne sert plus du tout à rien. Cependant, en fait, il y a deux des arcs narratifs que je trouve très intéressants, notamment un arc narratif avec le personnage qui s'appelle Chloé et son frère, qui est flic, et un personnage qui s'appelle... Je sais plus comment il s'appelle. Mais en gros, c'est l'histoire de deux familles qui essaient de se réunir, globalement. Et en fait, la série se fait déglinguer parce qu'elle n'a pas le budget et les ambitions qu'une série La Guerre des Mondes devrait avoir. Donc quand on pense à La Guerre des Mondes, à la base, c'est un roman, mais on pense évidemment au film de Steven Spielberg avec Tom Cruise. Et en fait, le problème, c'est que voilà, comme la série s'appelle La Guerre des Mondes et que le film de Steven Spielberg s'appelle La Guerre des Mondes, les gens s'attendent à avoir du blockbuster. Pour moi, ça se rapproche beaucoup de Dans la Brume en termes de film. Est-ce que tu l'as vu, Romu? Ouais, j'ai vu. T'as bien aimé? Film de genre français. Ouais, t'as bien aimé? J'ai bien aimé, ouais. Ok, Josh, je sais qu'il avait adoré aussi Dans la Brume, vraiment. Et il a été bien reçu par le... Il a été très bien reçu, voilà. Et Jérôme, tu l'as vu Dans la Brume? Je sais pas pourquoi je l'ai pas vu encore, mais je connais ce film. Effectivement, j'ai beaucoup envie de le voir. Ouais, bah écoute, toi, tu verrais dès que tu peux. Et donc, La Guerre des Mondes se rapproche beaucoup de ça. Elle m'a fait beaucoup, sur beaucoup d'aspects, elle me fait penser à ça. Mais le problème, c'est que voilà, en fait, je vous en parle pas parce que la série vaut vraiment le coup, bien qu'elle se laisse très bien regarder, parce que j'ai torché les 8 épisodes en deux jours. Mais en fait, je vous en parle surtout parce qu'elle est en train de se prendre un torrent de shitstorm, hein, littéralement. Et elle le mérite pas. Les gens ne sont juste pas capables de comprendre que c'est une série auteuriste, qui est lente, avec des personnages qui parlent beaucoup, avec du développement de personnages, avec plein de choses comme ça. Et ça me fait royalement chier, en fait, que les gens ne comprennent pas ça. Je vous en parle. Je suis d'accord. Pour que vous y jetiez un coup d'œil. Si je peux me permettre. Merci. Je vais revenir sur ce que tu as dit par rapport au fait que quand on parle de La Guerre des Mondes, on pense forcément au film de Steven Spielberg. Ouais. Je commence à en avoir un peu ras-le-bol des gens qui comparent forcément deux œuvres qui parlent d'un même sujet ou qui suivent un même personnage, comme le Joker. J'en ai marre du fait qu'on puisse comparer, parce qu'il n'y a pas forcément le même ton, comme tu viens de le dire. Ouais. On ne retrouve pas forcément le même ton dans les deux œuvres de La Guerre des Mondes, en l'occurrence. Donc j'aimerais bien qu'on regarde une œuvre en tant que telle, tu vois. Pour le coup, il s'agit de deux adaptations différentes, royalement différentes, vraiment. La Guerre des Mondes étant aussi adaptée du roman de base, d'origine. Maintenant, La Guerre des Mondes, elle... Mais voilà, c'est une série coproduction franco... Je ne sais pas si c'est franco-américain ou franco-britannique. Moi, j'ai britannique. Je crois que c'est franco... Je pense que c'est franco-britannique, puisqu'il y a une partie qui se passe à Londres. Mais le truc, c'est que c'est lent, en fait. Et ça, ça dérange les gens. Le problème, quand on n'a pas beaucoup de budget sur un truc comme ça, c'est qu'on ne montre pas beaucoup les extraterrestres, du coup. Et en plus, ils ont une forme très particulière, mais c'est très dérangeant au début. En fait, c'est une forme tellement familière à l'homme que c'est très dérangeant. Le fameux Uncanny Valley, mais le truc, c'est que ce n'est pas sous forme humanoïde, les extraterrestres. C'est une autre forme, mais qu'on connaît beaucoup. Et en fait, du coup, ils ne les montrent pas beaucoup. Et en fait, c'est ça qui dérange. Pourtant, voilà, Predator, ça a été fait avec pas de budget. Et le Predator, on le voit jamais. Et ça a dérangé personne. Donc, je vois pas pourquoi là, c'est censé faire chier les gens. Mais je pense que le public contemporain, il est habitué à cette monstration, tu vois. Au fait, parce qu'il regarde trop de blockbusters. C'est ça. Vraiment, voilà. Mais bon, la série, elle n'est pas incroyable, comme je disais. Cependant, il y a des développements de personnages. Je pense notamment à l'épisode 4, où il y a vraiment un dialogue entre deux personnages qui va amener beaucoup de choses dans la série. Et que moi je trouve tellement, mais tellement bien foutu. Donc voilà, bravo pour l'initiative. Je pense qu'il faut soutenir ce genre de série malgré tout, même si elle se fait déglinguer. Et puis voilà, elle n'est pas l'assistante qu'elle s'est prise. Okay. Bah, en tout cas, tu m'as donné envie de la découvrir. Au moins les premiers épisodes. Donc je me laisserai bien tenter. Elle est disponible sur quelle chaîne ? Ou quelle plateforme ? Que ma canal. Un peu comme ? Ouais, que ça t'a donné encore plus envie ? Ou est-ce que le fait que ce soit lent, etc., ça te décourage un peu ? Oh, ça me décourage pas du tout. Hein. Moi, il y a beaucoup de séries moi, que je regarde qui sont très très lentes. Hein. Si on regarde même la série Racine, c'est extrêmement lent, extrêmement dur à regarder. Mais ça ouais, des Racines et des ailes, là. Non. donc normalement ça me donne beaucoup envie. Du coup, je vais peut-être regarder les deux. Du coup, si c'est relativement différent, tu me dis quand même. J'ai pas vu l'autre, mais je crois que déjà ça se passe à l'époque victorienne, donc début du 20e siècle. Et je crois qu'il y a beaucoup plus de monstres. Mais déjà, les monstres ont une forme beaucoup plus logique et plus normale en fait. Écoute, j'essaierai peut-être de regarder les deux, mais les deux, ouais, ça me hype pas mal beaucoup. Bah Jérém, tu voulais nous faire une chronique sur les films cultes. J'ai hâte de savoir de quoi tu vas nous parler parce que je comprends pas toujours. Ok, bon, je l'ai écrit hein, pour le coup, pour qu'elle soit assez concise. Voilà, bon, bah, je commence. J'ai beaucoup pensé à cette chronique. Je me suis dit, le cinéma existe depuis 1892, un peu moins de 130 ans, et à l'échelle du monde, finalement, c'est pas grand-chose. Et on peut constater une vraie histoire cinématographique incroyable, tellement riche. Nous avons voué un vrai culte à tellement d'œuvres. Il y a eu énormément de suites et remakes, souvent pour des œuvres à succès afin de revivre les premières sensations vécues. J'en viens donc à ma chronique de départ. Dans 50 ans, 100 ans, avec les générations qui changent, va-t-il y avoir des œuvres à la base cultes qui finiront par être oubliées ? C'est une question qui me revient si souvent, et parfois je vais plus loin, je sais pas, dans 500 ans ou 1000 ans, quand l'histoire du cinéma sera plus riche que maintenant, cela sera-t-il une réalité ? Et quel est ton point de vue à toi ? Alors mon point de vue, vu que pour moi là, ça fait pas si longtemps que ça à l'échelle du monde, on va dire que le cinéma existe, et je sais pas pourquoi il y a beaucoup d'œuvres qui vont finir par être oubliées. Je dis pas les gros trucs style Star Wars et tout, tu vois. Mais je sais pas, genre potentiellement peut-être que les films Hitchcock, peut-être au fur et à mesure du temps, avec les générations qui changent, tu vois. Il y a beaucoup de choses pour moi qui pourront finir par être oubliées. Hitchcock, j'y crois moyen, parce que c'est quand même les fondements du cinéma. Ouais, mais est-ce que tu imagines, genre dans 500 ans, 1000 ans, tu vois, on est quand même... Bah, moi j'imagine rien dans 500 ans, 1000 ans, parce qu'à mon avis, on sera full dead, mais... Ouais, on sera full dead, mais ça... t'as pas cette pensée des fois de te dire qu'est-ce qui va se passer C'est compliqué de prévoir comment réagiraient les gens, d'autant que les générations, à mon avis, auront. Et ça doit être le problème majeur, parce que quand on voit la génération qu'on a maintenant et la génération qu'il y avait à l'époque d'Hitchcock ou ce genre de choses, ça n'a vraiment plus rien à voir. Et les œuvres cultes agissent en leur temps, selon les générations, je dirais. C'est pour ça que je pense à, justement, vu que les générations, ils changent toujours, et qu'ils perdent de l'intérêt, des fois, sur beaucoup de choses qu'il y avait à l'époque, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses, et je pense que ça s'applique un peu pour toutes les œuvres, on va dire, tout l'art en soi, ça peut s'appliquer avec, parce que les intérêts sont différents au fur et à mesure du temps, en fait. Bah, je pense qu'il y a un paquet de films cultes qui resteront cultes toute la vie parce que c'est, voilà, c'est comme je te dis, les fondements et les principes du cinéma. Je pense à Orson Welles avec Citizen Kane, tout à fait. Et donc ce genre de choses, tu vois, je pense que c'est des trucs qui resteront cultes parce que voilà, considéré comme l'un des meilleurs films de temps. Dans 500 ans, si on avait une œuvre comme ça qui venait à sortir, ça serait l'œuvre de toute une génération, mais on saurait derrière toujours que avant lui, il y avait des gens et il y avait des films comme Orson Welles, comme Citizen Kane, pardon. Orson Welles, c'est pas un film. Hein. Et donc, pardon. Et donc, pour moi, voilà, c'est impossible de prévoir. Je pense cependant que il y a des œuvres qui resteront cultes tout le temps, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on se dira, sans eux, on n'en serait pas là, tu vois. Non, je suis bien d'accord avec toi. Il y a des œuvres qui resteront cultes dans la mémoire collective parce qu'on entretient leur mémoire, comme les œuvres d'Orson Welles. On continue à les rééditer en DVD, en Blu-ray, en steelbook même. Je pense qu'il y a eu des steelbooks de ces films-là. Après, je pense que le concept de culte, d'œuvre culte, va évoluer avec le mode de consommation des... Parce qu'avec Netflix, on a ce principe de bouche à oreille, puisque le film, il reste sur une plateforme pendant plusieurs années, sur un laps de temps assez long, contrairement aux films qu'on voit en salle. Les films qu'on voit en salle, ils restent grand maximum 12 semaines, je pense. Donc là, on n'a pas ce... Enfin, on a un effet différent sur le temps. Voilà. Je pense que des œuvres comme la trilogie de Nolan, par exemple, on verra parce que y aura... C'est pas des films qui ont su révolutionner le cinéma à leur époque, bien que les films soient très bons, tu vois, je suis le premier à adorer, mais c'est pas des films qui ont su révolutionner le cinéma. Mais cependant, ce sont des très très bons films, mais malheureusement, des très très bons films, il y en aura d'ici 100 ans, 150 ans, 200 ans. Et je vois pas exactement. Un pédo sortir en mode, ouais, tu te rappelles de Heath Ledger en Joker, c'était le feu, tu vois. D'ici là, il y en aura eu des milliers des Jokers, sûrement. Enfin, des centaines plutôt, pas des dizaines. Surtout que le cinéma, de quelle façon il va évoluer, parce que si on va pas, je sais pas, il y a 150 ans, quoi, il y avait encore des cow-boys quoi, en Amérique, je veux dire. Ça va évoluer de quelle façon, en fait, tout ça? Là, on est qu'au début, finalement. On est qu'aux prémices du cinéma. Donc, il va y avoir des trucs de fou qui vont arriver ou pas du tout, même. C'est vrai que c'est compliqué de voir comment ça peut évoluer. Moi, j'ai remarqué qu'on consommait de plus en plus rapidement le cinéma. Ah, mais ça, c'est tout dans la vie. Hein. On avait tendance à plus rapidement certaines œuvres. Ça, c'est la vie. Tu veux ça? C'est assez... La surconsommation, elle est là, mais elle est partout. C'est terrible. Moi, je trouve partout, ça terrible. Je sais partout, quoi. C'est compliqué, ouais. À prévoir, je pense, c'est très compliqué. Est-ce qu'il y a des gens comme nous, des cinéphiles aguerris et vraiment fan de cinéma, pour s'en rappeler, ou est-ce qu'il y a que des gens comme les gens qui vont mater des Annabelle et des Marvel au cinéma, enfin voilà, ce genre de personnes-là, tu leur cites Citizen Kane, ils vont être là en mode pourquoi tu me parles de bouffe, hein, tu vois, genre. Ah, mais c'est pour ça, c'est pour ça que j'appuie, on va dire, cette chronique-là, parce que c'était compliqué, on va dire, de savoir en fait comment ça va évoluer tout ça, en fait. Moi, je pense qu'on va venir peut-être à un moment donné où il y aura, je sais pas, peut-être l'ancien Blade Runner, peut-être que, ou Fargo, voilà, Blade Runner peut-être pas, mais genre Fargo, c'est pas impossible que ça s'oublie, tu vois, ça s'oublie dans 200 ans, 500 ans, tu vois, ce genre d'œuvres qui sont cultes, qui sont folles, mais c'est pas impossible, tout ça, ouais, et pourtant, en ce moment, on en parle, tu vois, on en parle, c'est connu et tout, mais quand ça sera un peu plus évolué et tout, avec plein de films qui sera sorti au cinéma, je pense que ça peut être oublié. Bah, je pense que le meilleur moment pour par exemple quand t'interrogeras un réalisateur et qu'il citera ses références, un mec qui te sort aujourd'hui n'importe qui, hein, qui te sort mes références, c'est Citizen Kane, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Ok, ouais, c'est intéressant pour le coup. Eh ben ouais, je pense que les films cultes risquent d'être voués à disparaître, mais je pense par contre que c'est aux réalisateurs modernes ou futurs, donc les futurs réalisateurs modernes, de citer ces films un peu anciens pour permettre en fait de continuer à les faire vivre. Il y a beaucoup de films des années 50 et des années 40 que j'ai découvert grâce à des interviews de réalisateurs que j'aimais beaucoup, par exemple Nolan, Fincher, Scorsese, qui citaient des anciens films, et c'est grâce à ces interviews que j'ai découvert ces anciens films, sinon je pense que je les aurais jamais vus. Donc du coup, je pense que malheureusement avec le temps, c'est voué un petit peu à... Les films cultes actuels sont peut-être voués à pas disparaître, mais à s'effacer, mais c'est un travail aussi aux cinéastes futurs de les laisser en vie et même de les remettre en valeur, et peut-être qu'ils feront encore des remakes, des reboots, et etc. pour permettre de les garder en vie. Bah écoute, globalement, on partage le même avis. Maintenant, j'ai encore vu personne se décider à faire un remake de Citizen Kane. Mais après, t'as raison sur un truc, je pense que ça viendra beaucoup en série, tu vois. Par exemple, Bates Motel, ça reprend quand même beaucoup Psychose, tu vois. Et je pense que c'est aussi grâce à peut-être aux séries qu'on arrivera à garder certains anciens films cultes en vie. Et du coup, je vais pas vous mentir, j'ai jamais vu Citizen Kane. Ah, c'est dommage. Ouais, j'ai jamais vu. Non, mais écoute, débat très très intéressant. Non, on va passer, je pense, à la chronique de Joss. Tu peux revenir ton recommandement et ta chronique. Ok, ouais, bah en fait, ouais, je peux les relier parce qu'ils sont reliables pour le coup. Bah, ils sont reliables, c'est pareil quoi. Ouais, oui, carrément, oui. Du coup, on peut carrément faire un lien direct. Alors en fait, ouais, du coup, je mélangeais les deux. Le film que je voulais vous recommander à la base, donc c'était le film Revenge de Coralie Farja. Donc je sais pas si vous l'avez vu. Non mais, je crois savoir de quel film on parle. Ouais. Alors en fait, voilà. Quoi ? Oh le coquin, Jérémy. Ah, ouais, tu m'étonnes. Et ouais, donc Revenge, bah, comme son nom l'indique, c'est un revenge movie assez classique. C'est-à-dire que l'histoire, c'est une très jolie demoiselle qui va se faire violer puis laisser pour morte. Et forcément... elle n'est pas morte et elle va se venger. Donc ça, c'est vraiment du film de vengeance classique. Après moi, le film de vengeance, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. En principe, ça marche toujours très bien sur moi. J'ai beaucoup d'empathie à chaque fois pour la victime. Et quand la victime se retrouve prédatrice, ou prédateur selon le film, ça me plaît beaucoup. Donc du coup, je vais vous parler de ce film parce que c'est un film français. C'est un film de genre français, pour être plus précis. Et je trouve qu'on a de vrais talents dans le film de genre français. Et malheureusement, pour faute de moyens, faute de production, faute de plein de choses, ils sont assez mal distribués. Par exemple, je vais parler de Julia Ducournau qui nous a fait Grave, qui était un film pour moi juste exceptionnel, mais qui n'était pas diffusé dans toutes les salles en France. Et c'est quand même dommage parce qu'on a quand même une femme de talent en France et on ne permet pas la distribution de ces films pour tout le monde. Donc c'est assez dommage. Donc du coup, et puis on peut parler aussi d'Alexandre Aja qui est obligé de partir aux États-Unis pour pouvoir faire ses films parce qu'en France, faute de moyens et trop risqué, eh ben on les a pas fait. Donc du coup, il a dû partir aux États-Unis. Donc du coup, pour parler de Revenge, c'est un film en fait avec une réalisation très pop, très esthétique. Coralie Farja s'amuse beaucoup à faire basculer sa caméra de pièce en pièce ou dans des paysages vraiment somptueux parce que le film il est tourné une partie dans le désert marocain, donc on a des paysages magnifiques. Et on a aussi des couleurs très pop, parce que la maison, par exemple, où notre demoiselle va se faire violer, c'est une maison avec des vitres de couleur rose, bleu, donc on a vraiment des choses très stylisées. Certains diront que c'est un peu kitsch, mais moi, je trouvais que c'était assez fun. Après, voilà, le film, c'est quand même un film un peu de série B, hein, c'est pas, voilà, c'est quand même un peu à prendre au second degré quand même. Mais je trouve que ça marche très bien, c'est très plaisant à voir, c'est très fun. Notre victime s'appelle, qui va devenir ensuite prédatrice, s'appelle Mathilda Lutz, qui est une actrice qui est assez bonne. Je parle au niveau du talent, parce qu'après, oui, elle est très très jolie, elle est même magnifique. Mais elle a vraiment aussi un jeu qui passe, quand elle passe en fait de proie à prédatrice, qui est vraiment très intéressant. C'est ultra badass, donc si vous aimez les personnages féminins badass, alors là vous êtes servi parce qu'on est vraiment au summum de la badasserie. Ensuite, le film est accompagné d'une BO un peu électro qui marche vraiment bien. Donc moi je suis fan d'électro, donc du coup la BO, je me suis régalé. Donc c'est tout cet ensemble qui donne un effet assez... assez ultra kiffant, ultra fun. Et voilà, du coup, c'est français, ça tente quelque chose. Il y a un message derrière, donc c'est un film comme qui est assez pro-féministe. Et c'est fun. Et le message pro-féministe, il n'est pas non plus trop exacerbé, c'est pas trop lassant, parce que les films à la morale, au bout d'un moment, ça gonfle un petit peu. Là, c'est juste, voilà, un petit message, mais assez bien glissé tranquillement. Et du coup, voilà, c'est fun, c'est bon, c'est français, et ça mérite d'être vu. Et du coup, je rebondis sur ma chronique où je voulais un peu parler de Julia Ducournau et du coup mélanger un peu les films de genre français. Julia Ducournau, c'est une femme qui m'a vraiment fait croire aux films de genre en France. Voilà, avec son Grave, j'ai pris une telle baffe dans la gueule que du coup, voilà, m'a fait croire en ça, parce que vous savez que les films français, c'est pas trop ma cam, j'ai beaucoup du mal. Mais quand c'est fait comme ça, avec vraiment du talent, du cœur et une intelligence, parce que c'est une femme qui est ultra intelligente. Récemment, elle a fait une vidéo pour Combini, où elle est dans un vidéoclub et elle parle de cinéma. La vidéo dure 20 minutes, et franchement, la vidéo pourrait durer 1h30, tellement je trouve que tout ce qu'elle dit est intéressant. Je trouve que c'est une femme vraiment intéressante, et il faut vraiment soutenir le genre, le cinéma de genre en France, parce qu'on a des gens de talent. Et il faut qu'ils puissent s'exprimer pour qu'on puisse continuer à prendre du plaisir. Et du coup, voilà, je prends Julia Ducournau en exemple parce que pour moi, c'est celle qui représente là le mieux à l'heure actuelle ça. Mais on peut prendre aussi Alexandre Aja, par exemple. Mais je suis un petit peu moins fan. Donc, voilà ce que je voulais dire. L'excellent Hostile. Ah, je l'ai vu. Tu l'as vu? Alors, non, pas Hostile avec Christian Bale. Non, oui, merci. Ah. J'avais compris de quel Hostile tu parlais. Mais tu l'as vu quand? Ben, je l'ai vu, tu l'avais mis sur Plex à un moment donné, je l'avais regardé. Alors? Et moi, j'ai beaucoup aimé. Bah, c'est français. Bien sûr. Et donc voilà, donc réalisé par. Ah là, c'est du cinéma de genre. Pour le très fort Mathieu Turie, et c'est du cinéma. Ouais, ouais, ouais. Pareil, ouais, ouais, ouais. Une héroïne féminine, mais par contre, film pas féministe là pour le coup, pas du tout. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et ben écoute, ça fait aussi plaisir, film avec des ambitions. Mathieu Turie, je sais qu'il est en projet pour réaliser quelque chose d'autre là. Mais il est en tournage. Hein. Et voilà, bah ouais, c'est ça, il a des projets. Suivez-le sur Instagram d'ailleurs. Ouais, c'est un mec qui est très dispo aussi sur Twitter, qui répond. Moi, je sais qu'il m'a déjà répondu. Donc ah ouais. Voilà. L'actrice principale aussi. Elle est anglaise, mais elle répond aussi. Donc voilà. Excellent aussi. Donc si jamais vous avez envie de le voir, je pense à Jérém et à toi. Ouais, totalement, j'avoue. Non, mais j'avoue, c'est pas regarder. Il est vraiment très, très bon. Après, Hostile, c'est très bon. Hein. Franchement, j'ai beaucoup aimé, mais c'est pas ultra accessible. Hein. Tu vois, je peux comprendre qu'on n'aime pas parce que c'est quand même assez particulier. Et, je trouve ça plus accessible que Grave, dans le sens où c'est pas sans bruit. Tu trouves que c'est. Ouais, je pense que Grave est plus accessible que Hostile, tu vois, pour le coup. Ah, mais Hostile, en plus, c'est celui-là que j'ai en. Que tu m'as prêté en bleu ou pas? Non, pas du tout, non. Okay, toi, c'est Hostile avec Christian Bale que je te prêtais. Okay. Ah, ouais, là, rien à voir. C'est Hostile avec un S. Ouais. Ouais, c'est aussi, ça. Non, pas. Mais ouais, non, mais en tout cas, je le trouve excellent aussi. Mais en tout cas, t'as raison, je suis très fan de cinéma de genre de base. Mais pour le coup, Grave là et Revenge, dont tu m'as beaucoup parlé, mais que j'ai pas eu le temps de voir malheureusement. Ouais, franchement, rattrapé. Après, voilà, c'est, je vous dis, c'est pas le film du siècle, attention. Mais je trouve ça très fun et j'aime beaucoup ce film, en fait. Voilà, j'ai trouvé ça très, très sympa à suivre. Si tu devais choisir, si tu devais classer Hostile, Grave et Revenge. Je dirais Grave, Revenge et Hostile. Ok, bah écoute, très bien. Si je peux me permettre de réagir à ta chronique, je trouve qu'il y a un vrai réveil du cinéma de genre français depuis ces dernières années. Est-ce que c'est pas aussi grâce au succès de Julia Ducournau, parce que son film, il a beaucoup marché aux États-Unis aussi. Est-ce que du coup, ça n'a pas un peu emballé, tu vois, un peu, ça n'a pas créé un emballement? Parce que je trouve que depuis 2-3 ans, ça se réveille un petit peu et c'est depuis qu'il y a un peu Grave qui est sorti. Si, je pense que c'est ce film-là qui a créé, je pense, un engouement autour du film de genre français. Un nouvel engouement autour de ce cinéma en France. Mmh. En fait, on y fait, pardon, si je peux me permettre, on y fait plus trop attention, mais en fait, on a cité Fury, on a cité L'Heure de la sortie. Comment devenir un super-héros? C'est pas un film de genre. Ah non, c'est pas un film de genre. Il est considéré comme un film de genre. Moi, je pense que c'est un film de genre, mais avec un gros budget SF, tu vois. Enfin, je sais pas, ouais, c'est bizarre quand même. C'est plus SF que film de genre, quand même. Finalement, on retrouve ce côté horrifique dans le film de genre qu'on n'a pas du tout dans Comment je suis devenu. Enfin, on n'a pas vu le film, mais à l'abondance. Côté horrifique. En fait, j'ai du mal à identifier le film de genre. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous. Mais en fait, c'est ça, la définition de genre, c'est qu'il est très peu classifiable, mais après, c'est le genre de manière générale, tu vois, avec un grand G. Ah oui, mais par exemple, Grave, tu peux quand même, c'est un film de genre, mais tu peux quand même le classifier largement, c'est un film d'horreur, en quelque sorte. Après, ah ouais, non, pour c'est le coup, pas... je suis pas d'accord. C'est un film de genre, mais je dirais plutôt que c'est un thriller horrifique. Ouais, peut-être, ouais. Après, c'est ça qui est compliqué avec l'horreur aussi, c'est qu'il y a beaucoup de sous-genres de l'horreur. Oui, ça t'as c'est les clair. Slashers, après, les Home Invasion, t'as plein de trucs. Et ceci, je vais appeler Julia Ducournau, après je vais lui demander. Bah écoute, ouais, n'hésite pas, appelle l'autre Jean aussi, si jamais il veut nous produire. Ouais, carrément. Alexandre Aja. Appelle tout le monde. Mais moi, je suis particulièrement fan aussi. Grave vraiment la claque. Hein. Ah ouais, très c'était bon, ouf. Très très bon. Bah écoutez. Et il y a un budget qui a été débloqué par le CNC pour le cinéma de genre. Donc je trouve que c'est... Bah il serait temps, parce qu'ils avaient quand même débloqué un budget pour YouTube, donc autant débloquer pour le cinéma français. Pour YouTube, avant Bien sûr, gros. Les créateurs vidéastes français, ils ont des aides du CNC. Ouais, tout à fait. Hard Disk, notamment. In the Panda, notamment. Ouais. Enfin, beaucoup, hein, en vrai. Et pourquoi, moi, ils m'ont pas débloqué des fonds? Bah, écoute, je suis presque sûr que c'est parce que personne te connaît sur YouTube. Ouais, je pense que c'est pour ça, ouais. Parce que c'est vrai que s'il y a que ma mère qui me regarde, ouais, ça bah, ouais, faire, c'est ouais. Compliqué, quoi. Hein. Ouais, c'est clair. Bref, okay. Donc, merci beaucoup, messieurs. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter ou pas sur quelque chose dans la journée. Bah, moi, écoute, il n'y a pas un concept où je suis genre fan de genre ou quoi. Moi, je suis extrêmement fan de cinéma, donc je suis extrêmement ouvert, on va dire, à toute proposition cinématographique, peu importe le genre. Donc, écoute, moi, pourquoi pas. Moi, dès qu'il y a du film à regarder intéressant, je regarde. C'est beau. Voilà. C'est beau, voilà. C'est très bien. C'est une belle parole. Ça peut être le mot de la fin, d'ailleurs. Voilà. Ok, bah, écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se dit à la semaine prochaine pour une autre rediffusion. Et puis, à bientôt. Eh bien, ça allez, marche. À bientôt. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao.